barre des sciences. Chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence une fois encore. Comment vivra-t-on dans l'espace? C'est la question qu'on va se poser ce soir pour ce nouveau Mardi de l'espace organisé comme à chaque fois par le CNES, l'agence spatiale française. Alors aujourd'hui c'est assez simple, quand on veut aller dans l'espace, on est un homme, on est une femme, on part dans la Station Spatiale Internationale, on part 6 mois, c'est à 350 km. Finalement c'est ni très long, ni très loin. Bon, c'est tout relatif, mais par rapport au voyage qu'on pourra faire peut-être à l'avenir, c'est pas grand-chose. Imaginez qu'on veuille aller plus loin, sur la Lune. C'est à 3 jours, 2 jours de voyage, l'environnement extrêmement hostile. Imaginez qu'on aille encore plus loin, sur la planète Mars. C'est tout à fait imaginable. Et puis imaginez qu'on n'envoie pas quelques astronautes juste dans l'espace, mais des dizaines, des centaines, voire des milliers. Un jour, nous disent les experts, ça se produira. Alors, dans ces cas-là, la question de la vie dans l'espace se posera d'une façon radicalement différente de la manière dont elle se pose avec la Station Spatiale Internationale. Comment assurer les besoins de dizaines, de centaines, de milliers de personnes? Comment les nourrir, leur permettre de respirer, de dormir, de travailler, de... Comment les protéger? Comment les divertir? À quoi vont ressembler leurs espaces de vie? Eh bien, figurez-vous que toutes ces questions que je pose là, elles ont une actualité nouvelle. Et oui, effectivement, on a des projets de bases orbitales autour de la Terre, c'est vrai, mais autour de la Lune aussi, des projets de bases au sol sur la Lune, des projets de bases au sol sur Mars, il y en a. Et c'est pourquoi ces projets sont actuellement investigués en France de façon assez active. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir deux des éminents intervenants dans ce débat. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est François Spirou et Olivier Walter. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que vous voulez bien prendre un micro et puis nous dire qui vous êtes ? François Spirou. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous voir nombreux. J'espère qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Donc, je travaille au CNES, à l'Agence Spatiale Française, comme ça vient d'être dit. Je suis actuellement responsable des orientations stratégiques et en particulier avec une expertise et un travail sur l'exploration habitée. Et on en parlera dans la soirée, l'animation d'un groupe de réflexion sur des futures bases humaines, lunaires, martiennes, en orbite. Je fais ça depuis à peu près 2 ans. Et avant cela, j'étais responsable des vols habités au CNES pendant pas mal d'années. Et en particulier, j'ai été le responsable programmatique de la mission de Thomas Pesquet, dont vous avez peut-être entendu parler, voilà, qui a volé dans l'ISS, dans la station spatiale, il y a 2 ans. Alors, ça, c'est François Spirou. Est-ce que vous avez dit que vous étiez ancien responsable des vols habités? Alors, Thomas Pesquet, c'est vous, si je peux dire? Enfin, vous... C'est mon jumeau, non. Il est beaucoup plus jeune que moi, d'abord. Pour la petite histoire, si ça peut vous... Peut-être vous le savez déjà, il a le même âge qu'Emmanuel Macron. Ah, d'accord. Donc, quelques mois d'écart. Ah, quand même, voilà. D'accord. Vous voyez, bon. Voilà, vous voyez la génération. Non, Thomas a été recruté en 2009. Voilà, et il est parti dans l'espace en novembre 2016, donc il y a eu 7 ans de préparation, d'entraînement jusqu'à ce qu'il vole. Il a fait 6 mois et demi, comme vous le savez, dans l'espace, fin 2016 jusqu'à mi-2017, et ça a été annoncé il y a quelques semaines, il va revoler dans 2 ans, plus ou moins quelques semaines, quelques mois. La date exacte n'est pas encore déterminée. Toujours Station Spatiale Internationale. Pour l'instant, il n'y a qu'une et une seule destination pour les hommes et les femmes qui vont dans l'espace. C'est l'ISS, l'International Space Station, la station. Peut-être qu'on en parlera dans la soirée. Les choses sont en train de s'accélérer et on va voir dans quelques années beaucoup de nouvelles destinations en orbite autour de la Terre et plus loin. Waouh! Ça, c'est le responsable de la prospective qui vous le dit, hein, au CNES. Et donc, vous animez aussi un groupe de réflexion qui s'appelle « Vivre au quotidien dans l'espace ». Voilà. Donc, il y a 1 an et demi, au CNES, nous avons fondé Spaceible, space apostrophe ible, I-B-L-E-S. Comme c'est possible. Dont vous pouvez aller voir le site internet, spaceible.fr. Spaceible, c'est l'Observatoire de Prospective Spatiale. Donc c'est une sorte de think tank où vous mettez dedans des gens du CNES, bien sûr, des gens de la recherche, du monde académique, de l'industrie, mais aussi des gens en dehors du spatial. Vous mélangez tous ces braves gens et vous réfléchissez sur des grands thèmes. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Paul, moi-même, j'anime depuis un peu plus d'un an, un groupe qui s'appelle Vivre au quotidien dans l'espace pour le futur. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les bases humaines, la Lune, Mars, peut-être ailleurs aussi. Alors, à votre côté, il y a justement l'un des intervenants dans ce groupe de réflexion, Olivier Walter. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Olivier Walter, je suis architecte. J'ai commencé à enseigner les habitants en milieu extrême il y a 25 ans à peu près, à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Je suis intervenant donc dans le groupe de François. Je suis intervenu aussi avec lui sur un groupe qui s'appelait les missions martiennes habitées, qui avait lieu il y a 5 ou 6 ans, voilà, avec l'Université de technologie de Compiègne et puis plein d'autres personnes. Je fais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle le réseau Arche sur les habitants en milieu extrême, justement. Et voilà, et on a travaillé avec des étudiants, avec le Strat College Designer aussi, sur la recherche un petit peu de ce qu'on pouvait faire en architecture, en voyant très largement, sur la Lune, sur Mars, dans l'espace, sur Terre bien entendu aussi, parce que c'est envisagé. Et voilà... En plus, avec les connaissances scientifiques qu'on est censé avoir, parce qu'on est censé, on se retrouve à un endroit où, finalement, on doit intervenir avec tout le monde. En tant qu'architecte. En tant qu'architecte. Ouais. Donc, on est censé savoir tout sur les matériaux, les énergies, la biologie, enfin tout. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà. Mais on se retrouve au centre. Faut faire semblant. Voilà. Alors, Olivier Walter, donc architecte des milieux extrêmes, et puis vous avez bien sûr beaucoup travaillé sur les bases lunaires, martiennes, etc. Alors, il y a quand même une question qu'on se pose avant d'entrer dans le fond du sujet. François Spirou, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le CNES ne s'occupe pas de vol habité. Vous avez, il y a quelques années, délégué cette partie à l'Agence spatiale européenne. Avant, on avait effectivement des spationautes français. Et puis ils ont tous intégré l'Agence spatiale européenne. Maintenant, ce sont des astronautes européens. Alors, ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe ? Le CNES se remet à s'intéresser au vol habité ? Alors, pour répondre à votre question, Paul, une ou deux minutes de rapide historique. Effectivement, la France a été pionnière dans les vols habités. Je rappelle que Jean-Loup Chrétien, astronaute ou spationaute du CNES, a volé en 1982. Le bureau de Jean-Loup était à quelques mètres de mon bureau actuel. Et il y a eu plusieurs astronautes français qui ont succédé à Jean-Loup Chrétien. Et puis, vous avez parfaitement raison, en l'an 2000, il y a eu une décision de la France, mais aussi de l'Allemagne et de l'Italie, d'européaniser les corps nationaux d'astronautes et de faire un seul corps européen d'astronautes. Ça ne veut pas dire que la France s'est complètement désintéressée. On a continué à garder une petite activité en accompagnement des activités ESA. En particulier, à Toulouse, on a gardé un centre d'opération des astronautes. Et je rappelle quand même qu'il y a quelques années, on a fait voler, grâce à Ariane 5, le vaisseau de ravitaillement de la station spatiale qui s'appelle ATV, qui était opéré depuis Toulouse. Donc on a quand même gardé quelques activités. Mais, vous avez parfaitement raison, pendant très longtemps... Pendant une quinzaine d'années, entre l'an 2000 où on a dit on a refilé le bébé à l'ESA, pour le dire un peu crûment, et aujourd'hui, ben, la roue a tourné. Et depuis 2-3 ans, vous avez parfaitement raison, le ton et la substance ont changé. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, je l'ai rapidement mentionné dans ma petite introduction tout à l'heure, il y a eu la mission de Thomas Pesquet, il y a 2 ans. Et vous l'avez probablement vécu, Thomas a eu un rayonnement absolument fantastique. Bien sûr, le but premier de sa mission, c'était de faire des expériences de la science, de la technologie, et il l'a fait très bien. Mais en plus, il a pris des tas de photos, il a été sur les réseaux sociaux, il a communiqué un max avec tout le monde. Et donc, il y a eu un vrai engouement en France pour le sujet des astronautes, des vols habités. Donc ça, ça a été la première raison. Pourquoi il y a une évolution, revirement le mot est peut-être un peu fort, mais une évolution du CNES dans ces affaires-là. Et puis, il y a une deuxième raison. C'est qu'on n'est pas aveugle. On voit ce qui se passe dans le monde et on voit que la plupart des pays, au moins des pays avancés, la Chine, les États-Unis, la Russie et pas mal d'autres, encore ce matin, j'étais dans une conférence où on me disait aussi sur l'Inde, tout le monde développe des capacités d'astronautes pour partir, pas dans 20 ans, pas dans 50 ans, pour partir dans les 5 prochaines années dans une nouvelle station spatiale, c'est le cas, autour de la Terre, c'est le cas de la Chine. Vers Mars, c'est le cas de certains milliardaires américains, je pense qu'on va y revenir. Vers la Lune, beaucoup, les Chinois et beaucoup d'autres. Et donc, la France, nous, l'agence spatiale française, ben on regarde ça et on se dit, ce serait quand même con que nous, Français, qui sommes quand même, allez, soyons arrogants, une des lumières du monde, eh ben on rate le train de cette course à la Lune, de cette course à Mars. Et donc, on a décidé voilà, d'opérer, de revenir un peu plus fortement dans ces affaires-là. Donc la France est de retour pour réfléchir à cette question des vols habités, bases lunaires, bases martiennes, etc. Il y a différents cas dont on va parler ce soir. Il y a par exemple tout ce qui est base orbitale, soit base orbitale autour de la Terre comme la Station spatiale internationale. Il y a une base orbitale autour de la Lune. Il en est fortement question. La NASA a des projets sur ce sujet-là. Et la France et puis l'Agence spatiale européenne sont partie prenante de ce genre de discussion actuellement. Il y a évidemment une base lunaire, une base martienne. Par quoi est-ce qu'on commence là ce soir ? Alors, commençons par le court terme, court entre guillemets. Vous parliez d'une station spatiale autour de la Lune. Ça devient une réalité. Les Américains ont développé un lanceur très lourd, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le SLS, avec la capsule Orion. Orion qui amènera 4 astronautes à bord. Destination de la paire Orion-SLS, la Lune. Pour être plus précis, l'orbite autour de la Lune. Il ne s'agit pas encore de se poser sur la Lune. Il s'agit d'aller autour de la Lune, en orbite. Le premier vol du couple SLS-Orion devrait avoir lieu dans moins de 2 ans, à peu près. Et Orion est un développement conjoint États-Unis, NASA et Europe. Et dans l'Europe, la France a un rôle très significatif à jouer. Et donc, dans quelques années, vous aurez 4 astronautes des États-Unis, mais aussi de l'Europe, peut-être Thomas, on verra, qui vont prendre cette capsule Orion et qui vont aller vers la Lune. Et qui vont aller vers la Lune, pour être plus précis, vers où ? Vers cette station spatiale autour de la Lune, qu'on appelle, pour l'instant, le nom a beaucoup évolué dans les 2-3 dernières années, pour l'instant, elle s'appelle le Gateway, c'est-à-dire une sorte de portail lointain, qui est une mini ISS, qui permettra, comme je le disais, d'avoir 4 astronautes à bord, pas de manière permanente comme c'est le cas actuellement pour l'ISS, mais voilà, qui permettra des séjours de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois à 4 astronautes autour de la Lune. Et à moyen terme, l'idée, c'est que ces astronautes qui seront dans cette station autour de la Lune, eh ben, fassent des petits sauts de puce vers le sol de la Lune. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. Ça, c'est dans les 5-10 prochaines années. Et la France est partie prenante dans tout ça. Alors, c'est dans 5-10 prochaines années, à condition que la décision politique soit prise, que les financements soient débloqués, parce que des projets comme ça, il y en a de tout temps. En permanence, la NASA dit, nous avons le projet d'aller sur Mars à telle époque, et puis, à un moment donné, il y a un changement de président, les projets changent, et puis on change son fusil d'épaule. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette fois-ci, c'est plus solide ? Alors, d'abord, je parlais il y a quelques instants de la paire lanceur, c'est-à-dire fusée SLS et la capsule Orion. Effectivement, le président américain précédent, Barack Obama, avait voulu tuer cette initiative quand il était arrivé au pouvoir en 2012, de mémoire. Oui, 2008, pardon. Parce que c'était une initiative de son prédécesseur à lui, George Bush. Il n'a pas pu, le Congrès américain s'y est opposé. Résultat, SLS et Orion sont allés de l'avant et ils sont quasiment finis, donc ça, on ne peut plus les tuer. Et SLS et Orion vont vers la Lune. Donc aller vers la Lune sans qu'il y ait de destination, ça n'a aucun sens. Donc la logique veut qu'on crée la destination qui est ce gateway qui effectivement nécessite l'approbation de tous les partenaires, États-Unis, Europe et quelques autres. Concernant l'Europe et la France en particulier, on a un rendez-vous très important en novembre de cette année, la conférence ministérielle des ministres en charge de l'espace de l'Europe spatiale, qui a beaucoup de sujets à décider. Et un des sujets, c'est précisément les gros sous, comme vous le dites, Paul, les gros sous qui vont permettre à l'Europe de vraiment participer à la construction de cette station spatiale. Alors vous, l'architecte Olivier Walter, quand vous regardez le Gateway, c'est page 12, hein, page 12 de votre petit livret, il y en a là, hein, si vous voulez. Qu'est-ce que vous vous dites? Ça ressemble à quoi, ça? Ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? Pour l'instant, technologiquement, de manière, on peut pas faire autre chose. On peut pas faire. Il n'y a rien qui a été proposé de nouveau là-dessus. Si, il n'y a qu'un seul truc, c'est Bigelow, avec son module gonflable, mais qui est toujours en test. Bigelow, c'est un milliardaire américain. Oui. Et donc, il développe depuis pas mal de temps maintenant, hein, des modules comme ceux-là, qu'on associe les uns aux autres, mais gonflables. Tout à fait. Alors là, il y en a un, il me semble. Hein. Avoir la forme, il y en a un de gonflable. Mais de toute manière, si on devait aller vers Mars, vu le temps qu'on est censé passer dans l'espace, même les matériaux, tout va coûter cher. Dès qu'on doit se déplacer, que ce soit vers la Lune ou vers Mars, le gonflable reste le truc le plus intéressant pour avoir de la surface. Parce que tout coûte cher, donc il faut la créer, la surface. Alors évidemment, c'est pas un ballon le gonflable, hein, parce que ça tient quand même une certaine place au démarrage. On en gagne un petit peu. C'est suffisamment intéressant pour qu'on le développe. Mais alors là, c'est finalement une architecture comme celle-là, où on voit des modules associés les uns aux autres, des modules en dur, oui. Peut-être un ou deux gonflables. Ça vous inspire quoi? Ça vous intéresse en tant qu'architecte ou oui, dites, je pense que c'est intéressant. C'est encore du Lego. C'est toujours la même chose. Quoi. C'est la station du Lego, spatiale, mais on n'a pas le choix. C'est Mir. Ça ressemblait à ça déjà. Hein. On n'a pas oui, le choix. Oui, mais on n'a pas vraiment le choix. Alors on n'a pas besoin d'architecte alors. On a la taille des lanceurs. C'est ce que beaucoup de monde pense systématiquement quand vous construisez votre maison. Vous dites vous n'avez pas besoin d'architecte. On voit le résultat souvent en France avec les pavillons. Ça vous plaît pas les pavillons? C'est-à-dire quand on continue de se retrouver avec une ambiance pavillonnaire qui date des années 60 alors qu'on est en 2018, on se dit qu'il y a quand même un petit problème. Il y avait mieux à faire. Et ça continue d'être construit, et voilà. Mais bon, ça c'est le problème de la France avec les architectes, hein, je pense. Après, on a beaucoup de choses à amener, mais la NASA fait le même genre de bêtises. Ils font intervenir les ingénieurs d'abord, et en gros, les architectes doivent remplir ce qui a été construit. Quand on a travaillé avec. Donc les ingénieurs conçoivent d'abord, et ensuite les architectes doivent se débrouiller avec des choses auxquelles ils ne peuvent plus toucher, c'est ça ? En gros, c'est ça, oui. Dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai pu voir, alors que les architectes ont plein d'idées. Le challenge, même pour nous, quand on construit des choses sur Terre, on fait peut-être des trucs qui paraissent débiles de temps en temps, mais le débile en question, il a parfois un sens, il va parfois plus loin et ça bouscule un petit peu les ingénieurs dans ce qu'ils font. Il y a des ingénieurs aussi qui sont très bien, hein, même si on se souvient tous d'Eiffel. Eiffel, voilà, oui. C'est quelqu'un qui a de l'imagination, qui a fait quelque chose. Mais après, c'est vraiment un problème au niveau des études. Quand on demande aux gens de développer l'imagination, on est obligé de les lâcher. Quand on leur apprend quelque chose d'extrêmement précis dans ce qu'on appelle les ingénieurs, ce qui est très large, hein, parce qu'il y a différents types d'ingénieurs, on leur apprend à rentrer dans un système dont ils le savent eux-mêmes, ils ont quand même un petit peu de difficulté à faire un pas de côté. Mais c'est tout à fait logique. On est dans des études, on rentre dans un paradigme. C'est pas évident. Même pour les scientifiques qui travaillent sur quelque chose de précis, ils lèvent rarement les yeux pour voir ce qui se passe à côté. Il y a des applications en civil sur des choses toutes bêtes. Tout à coup, on va découvrir une application à côté. On est surpris que personne n'y ait pensé. Et pourtant, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a utilisé des choses pendant des années sans se rendre compte que ça pouvait servir ailleurs. À mon avis, l'architecte, il est censé être au milieu de tout ça, se renseigner sur l'ensemble des choses et dire « Ok, on peut aussi faire ça. Puis il y a des solutions là, il y a des solutions là, il y a des solutions là. » Et nous, tout ce qu'on voit dans ces systèmes-là, c'est des systèmes extrêmement bien rangés. Il y a plein de raisons. C'est des systèmes où on est toujours à essayer d'être dans le contrôle alors que ce n'est pas possible. Comme on travaille sur plein de sujets différents, par exemple, on sait très bien qu'il y a des problèmes de bactéries à l'intérieur de la station. C'est pour ça que Mir, d'ailleurs, elle n'était plus utilisable. On est dans un système, nous, on vit dans un système rempli de bactéries, heureusement pour nous. parce que c'est nous les bactéries. Donc ça s'autogère. Regardez, vous prenez un fromage, un camembert par exemple, vous le mettez au congélateur, vous le laissez bien longtemps, vous le ressortez, vous le laissez s'aérer un peu, il devient mortel la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que vous avez tué 99% des bactéries, il y en a 1% qui restait, qui vous faisait rien avant, mais alors là, dans le camembert, elle va vivre et elle va être bien. Et là, elle va être tellement bien, quand vous allez manger le camembert en question, bah, elle vous tue sur place. Donc, il y a un moment où, moi, en tant qu'architecte, je regarde ce genre de choses, je dis, le contrôle, il n'est pas dans le fait de réduire les choses au maximum, il est dans le fait de... Voilà, il y a des écosystèmes, il faut amener les écosystèmes. Et quand on voit une base comme ça, on se dit, ça serait bien qu'on puisse intervenir pour le confort des gens. Et en même temps, les gens qui vont vivre à l'intérieur, il faut leur laisser la possibilité de créer leur confort. Parce que nous, on ne vit pas dedans. On n'est pas dans ce paradigme particulier d'absence de gravité ou de gravité très faible. On vit pas dedans au jour le jour. Donc c'est aussi la possibilité, nous, d'avoir des idées, de pouvoir voyager à leur place et d'avoir ces sensations-là dans notre tête, ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Et après, de dire, ok, on peut faire ça, on peut faire ça. Et qu'est-ce qui est important dans un habitat comme ça? Et je vous l'avais déjà dit, j'en ai parlé, parce qu'on aura les mêmes choses à peu près sur la Lune et sur Mars. On sera contraint par les lanceurs. Bah, c'est la surface. Et qu'est-ce qui génère la vie à l'intérieur d'un habitat, qu'il soit dans l'espace, sur la Lune ou sur Mars? C'est la circulation. Pourquoi? Parce que nous, on vit avec... La circulation des gens. Hein. La circulation des gens. On vit avec une gravité de 1 ici, à peu près. Dans l'espace, ils sont à peu près en apesanteur. Sur la Lune, ils sont un sixième de gravité. Sur Mars, ils sont un tiers de gravité. Donc, je vous avais dit, il y a un truc qui est indispensable. C'est ici, on s'en sert tous les jours. On en a un grand devant nous. C'est l'escalier. C'est une circulation verticale. Sur la Lune ou sur Mars, ça ne veut rien dire. On est obligé de changer. Et rien que ça. Donc, il n'y aura pas d'escalier sur la Lune ou sur Mars. Sur la Lune, ça ne sert à rien. Sur Mars, ça si, on en aura besoin. Quoi? Parce que je monte à une échelle très simplement, c'est ça? Vous êtes à un sixième de gravité. Quand vous regardez les gens qui ont fait Apollo marcher sur la Lune, on ne peut pas marcher. Marcher sur Terre, c'est perdre l'équilibre. Donc, dès qu'on cherche à... On arrive à courir à peu près à 9 km/h. Au-dessus de 9 km/h, on se met à courir. C'est-à-dire qu'on rattrape sa chute. Sur la Lune, on commence à sauter, parce qu'on ne peut pas appeler ça courir, à 2 km/h et demi. Ce qui veut dire que si vous voulez marcher sur la Lune, il ne faut déjà pas avoir votre masse musculaire. Et ensuite, il faut marcher à la vitesse d'une tortue, ce qui est juste impossible pour nous. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les astronautes? Ils ont poussé sur leurs pieds, ils ont sauté comme des kangourous, ou de travers aussi, parce que c'était la manière la plus simple. Donc dans un habitat lunaire... dès qu'on va sauter, on va avoir un problème parce qu'on est contraint dans les tailles d'habitat et on va se cogner. Ah, on va se cogner. Donc les gens qui ont fait de la plongée connaissent bien ça. On se sert de quoi? De nos mains. Donc ça veut dire que l'architecture intérieure, elle change complètement. Davantage de poignées? Peut-être. Ou autre chose. C'est quoi autre chose? Ça, faut demander aux designers. Ils ont plein d'idées bêtes. C'est là où les designers deviennent super intéressants. Alors, c'est vraiment intéressant de vous entendre l'un après l'autre, parce qu'on a d'une part Françoise Pirot qui explique les choses, etc. Et puis, quand on vous écoute, vous, Olivier Walter, d'un seul coup, ça ouvre une fenêtre, quoi. Hein, on ne sait pas comment va finir la phrase, on ne sait pas où on va aller. J'ai l'impression que si je ne vous avais pas interrompu, on aurait continué comme ça un petit bout de temps. Donc ces deux approches, là, on a vraiment l'ingénieur et l'architecte qui est là pour donner de l'air, justement, hein, pour donner des ailes et montrer qu'on peut faire des tas de choses. Il est là pour me reprendre aussi. Ah d'accord. Donc, l'architecte a besoin d'ingénieur quand même, d'accord. Alors, si je peux me permettre, Olivier, de parler pour toi, en fait, tout le challenge, tout le défi qu'on a pour avoir des bases humaines un beau jour sur la Lune, sur Mars et ailleurs. Des grosses bases humaines, hein, c'est pas quelque... C'est justement pas de faire comme ça quelques modules. C'est pas comme Gateway. C'est pas comme le Gateway, quelques modules sans âme où on va rester quelques semaines, quelques mois. Des bidons. Et puis c'est un peu comme des plateformes pétrolières finalement. Tout le défi, c'est justement, comme le dit Olivier, c'est qu'on identifie, qu'on développe des habitats sympas, agréables à vivre, où on a plaisir à être, où les gamins ont plaisir à passer des colonies de vacances. Et c'est pour ça que dans le groupe que nous animons au CNES sur le futur de ces bases, nous avons estimé que c'est indispensable d'avoir des architectes et voilà, pour justement réfléchir à s'éloigner de ce genre de modèle. S'éloigner de ce genre de modèle. Alors c'était pas mal du coup de commencer par ça. Donc on, voilà, on voit bien les différents modules, différentes petites couleurs, c'est du jeu de Lego, on s'associe les uns aux autres. Alors imaginons, donc ça c'est une base spatiale orbitale. Imaginons maintenant quelque chose de beaucoup plus vaste, impressionnant. Et puis après, je vous passe la parole hein, et vous allez pouvoir discuter directement avec les deux intervenants. Éloignons-nous de ce modèle et parlons d'une base martienne au sol avec quoi, 100 personnes davantage. Elle ressemble à quoi là? Vous avez envie de faire quoi? Alors ça va dépendre. Ça va dépendre à quel moment on est. Si on vient juste de se poser, on va avoir des modules un peu répétitifs, mais le but c'est de faire de la place. Donc il y a des choses qui sont qu'on peut pas changer, ce qu'on va amener de la Terre, le principe du SAS, de tout ce qui est système lourd entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion de l'eau, de l'électricité, de ce genre de choses. Ça c'est des systèmes durs, ça va être, on peut imaginer des anneaux ou n'importe quoi. Et après on va essayer de développer un maximum le gonflable. Ça, c'est ce qu'on peut amener. Pour gagner de l'espace. Oui, parce que déjà, il faut, voilà, il faut en amener le plus possible si on veut faire une base de 70 personnes. Parce que dites-vous bien qu'avant de pouvoir construire quelque chose nous-mêmes sur Mars, il faut du monde. On ne construit pas une maison. Construire, vous dire, à partir voilà. des matériaux martiens. À partir des matériaux martiens. Oui. Parce que des premiers, les premières personnes qu'on amène, c'est des scientifiques, des ingénieurs, des gens qui vont bosser sur ce qu'on trouve là-bas. Après, si on veut construire quelque chose là-bas, bah, faut amener du petit pour faire de plus en plus gros. Donc, on va pas se mettre à construire comme ça du jour au lendemain. Donc, il va falloir amener beaucoup de choses depuis la Terre. Donc, toujours dans ces contraintes-là et voir comment on peut grossir. Donc, il y avait un projet effectivement qu'on avait développé où on avait cherché à travailler sur différentes choses. Donc, ces fameux anneaux dont je parle. Et après, des systèmes gonflables. Alors, en vertical pour l'habitat, on va appeler ça comme ça. En horizontal pour tout ce qui était garage et serre. En vertical, c'est-à-dire que vous construisez comme une espèce de... Ça se gonfle. Une construction qui s'élève, et ça c'est l'habitat, c'est ça, ça se gonfle, parce qu'en bas, ça nous permettait en fait, nous, d'avoir tout le système de recyclage. Parce que ce qu'il faut bien voir, ce pourquoi on travaillait sur les milieux extrêmes, ce pourquoi je faisais travailler les étudiants sur ce qui existait sur Terre, surtout chez les anciens, parce que... on commence à s'y réintéresser, mais on a laissé beaucoup de choses de côté, ce qui est dommage. C'est qu'est-ce qu'on emploie quand on est à un endroit précis avec les matériaux qu'on a? Comment on fait pour recycler? Or, le recyclage, quand vous êtes en Antarctique, vous amenez 100 kilos en Antarctique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 100 kilos de déchets. Parce que c'est facile. Mais que vous soyez sur la Lune ou sur Mars, c'est pas facile. Donc tout ce qu'on va amener, il faut le recycler. Donc tout est utile. Et qu'est-ce qui est le plus important? Le biologique. Donc ça, il faut le recycler à tout prix. Voilà. Donc après, on parlera pas des gens qui vont mourir dans l'espace, sinon on va être confronté à un problème éthique. Mais l'idée, c'est le recyclage complet. Donc le système de recyclage était en bas des bases. Et ensuite, on avait les serres. Et effectivement, on était toujours... Parce qu'il faut arriver très vite, au moins à 95% de possibilité de manger ce qu'on produit. Voilà. Donc il faut y arriver le plus vite possible. Pour l'instant, je pense qu'on va en être un peu loin parce qu'on s'amuse à mettre des petites plantes dans des liquides et dire que c'est merveilleux, ça pousse. Sauf qu'on leur fait du mal à ces plantes-là. On est en train de s'en rendre compte avec les études, surtout chez les Japonais ou chez d'autres personnes, où ils se sont rendus compte que les plantes communiquaient entre elles par le sol, qu'elles s'envoyaient plein d'informations, qu'elles s'envoyaient plein de choses. Si on veut faire des plantes... Et en plus, on ne sait même pas, en fait, on n'a même pas la notion d'impact sur une vie entière, de savoir si quand on élève une plante comme ça en hydroponie toute seule dans un coin, si ça a un effet sur notre physiologie. Donc on n'a aucun retour là-dessus, parce qu'on a toujours l'habitude de bouffer tout et n'importe quoi sans faire attention, parce qu'on vit sur Terre. Alors François Spiro. Oui, je voudrais continuer un des points très très importants que soulève Olivier. C'est l'histoire du recyclage. Je vais aller un pas plus loin. Nous, on espère, je vais forcer un peu le trait, un avenir radieux sur la Lune et sur Mars. Pour qu'il y ait un avenir radieux sur la Lune et sur Mars, il faut recycler tout ce qu'on a. Il faut recycler l'eau, il faut recycler l'oxygène, il faut recycler les matériaux, etc. Comme l'a très bien expliqué Olivier. Mais je vais un pas plus loin. Pour pouvoir faire ça, on ne va pas faire le système comme sur l'ISS ou comme le Gateway, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin, eh bien, on l'envoie depuis la Terre et toutes les semaines, tous les mois, il y a des cargos qui vont comme ça. Ça coûte la peau des fesses. Et si on veut des habitats, des villages, des communautés humaines sur Mars, sur la Lune, sur Titan, que sais-je, qui soient autonomes, qui ne dépendent plus de la Terre et donc où il y a un coût réduit, eh bien, il faudra que c'est les gens qui habitent là utilisent des ressources locales. Et ça, c'est un sujet sur lequel on commence à travailler. D'autres, aux États-Unis notamment, ils travaillent depuis quelques années. Ce qu'on appelle dans notre jargon l'ISRU, In Situ Resource Utilization, par exemple. L'utilisation de ressources in situ. Exactement. Donc, je vais vous donner l'exemple de la Lune et l'exemple de Mars. La destination favorite d'une probable future base humaine sur le sol lunaire, c'est près du pôle sud. Pourquoi près du pôle sud ? Parce que vous avez toutes les ressources, vous avez l'ISRU local qui va bien. Qu'est-ce que vous avez comme ressources près du pôle sud ? Vous avez de l'eau sous forme de glace au fond des cratères. Vous avez... Dans des quantités suffisantes ? En des quantités correctes. Okay. Ensuite, il y a des débats entre scientifiques sur les quantités et aussi sur la manière d'extraire, etc. Rien n'est simple. Rien n'est simple dans la vie et rien n'est simple dans le spatial en particulier. En particulier, ouais. Mais voilà. Mais il y a de l'eau quand même. Donc, pas besoin de vous faire de dessin. L'eau, c'est la base de la vie. Et en particulier de la vie humaine dans ce genre d'endroit. Vous avez au sommet des cratères, vous savez que la Lune est remplie de cratères, au sommet des cratères près du pôle sud de la Lune, vous avez de l'illumination solaire quasi permanente. Donc ça veut dire que vous avez une source d'énergie non-stop. Olivier parlait d'électricité. Pour faire des habitats sympas, où on se sent à l'aise, etc., il faut de l'électricité. Ça a l'air tout con quand on est sur Terre. Quand on est sur Mars, sur la Lune, c'est pas évident. Donc des panneaux photovoltaïques, voilà, sur ce qu'on appelle les pics de lumière éternelle. Exactement. Donc il y a des sortes de montagnes qui sont illuminées de soleil quasiment permanent. C'est les lois de la mécanique orbitale qui montrent ça. Et dernier élément, là pour le coup, c'est pas spécifique. Donc, pas de nuit, hein, quasiment pas de nuit. Exactement. Vous avez de l'oxygène qui est captif des roches. Ça c'est pour la Lune. Et puis donc, sur on Mars, peut récupérer de l'oxygène. En cassant la roche, lunaire. Alors, là aussi, c'est facile à dire technologiquement en tant qu'ingénieur et pas en tant qu'architecte. De toute façon, là, vous vous projetez dans combien de temps ? 50 ans, là ? Oui et non. 30 ans. Parce que, je le disais tout à l'heure quand vous m'avez posé la première question, pourquoi il y a eu ce revirement, cette évolution, etc. Je vous ai dit, les choses sont en train de changer. En fait, j'aurais pu ajouter un autre élément. Les choses sont en train de s'accélérer. Pas simplement de changer, mais également de s'accélérer. Je vais vous expliquer. Vous avez peut-être entendu parler d'Elon Musk, le milliardaire américain qui a fait fortune avec Tesla, les fameuses voitures électriques, avec PayPal, etc. Et ce cher Elon, eh bien, il marche un peu sur notre plate-bande et il fait des belles fusées qui fonctionnent et il a un super projet d'envoyer, dans pas très longtemps, des astronautes vers la Lune et vers Mars. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans ses annonces, dans les 2-3 dernières années, Elon Musk a dit clairement, dans 5-10 ans, je mettrai des astronautes sur la Lune, sur Mars. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? On verra bien. Premier élément. Deuxième élément, je l'ai rapidement mentionné tout à l'heure, les Chinois avancent de manière extrêmement solide vers, d'une part, une station orbitale autour de la Terre, d'autre part, des robots sur la Lune, et un peu plus tard, ils vont aller vers Mars. Ils ne se cachent pas que le moyen terme, c'est de mettre des Chinois sur la surface de la Lune. Les Russes, pareil, les Indiens aussi. Bref, on sent que les choses s'accélèrent. On retrouve un petit peu, les plus anciens dans cette salle s'en souviendront peut-être. Une émulation. Alors, ça, c'est le mot gentil. L'émulation. Une course. La course. Ou carrément la compétition, comme il y a eu dans les années 60-70, États-Unis, Union soviétique. Et on retrouve un petit peu cette émulation ou cette compétition aujourd'hui, sauf que, évidemment, les acteurs ne sont plus les mêmes. On a du public, on a du privé, on a de la Chine, etc. Mais c'est un peu l'idée. Voilà. Et donc, je pense que les choses s'accélèrent, et je pense que si on revient, Olivier et moi, dans 10 ans, il y aura peut-être des choses sur la Lune, il y aura peut-être des choses vers Mars. 10 ans ? 10, 20 ans. Ah, allez. Quand même, d'accord. On verra. Thomas, quand tu retourneras là-bas. Ou devrais-je plutôt dire là-haut, on te likera sur les réseaux sociaux. Faudra quand même faire gaffe sans doute, va pas te perdre à trop te surfer sur Facebook. Ça te fait faire des heures sup nocturnes, va plutôt surfer sur les anneaux de Saturne. Thomas, quand tu retourneras là-bas, ou devrais-je dire plutôt là-haut, on t'incitera à tweeter à gogo. Communiquer, ouais, ça pose pas de problème, mais ça peut être une addiction aussi. Va pas te perdre à naviguer sur le web, pense à naviguer dans la galaxie. Thomas. Merci. Bien vu, vos chansons me font réagir. Et j'aimerais rebondir, si vous m'autorisez, Paul, sur un point. Vous avez dit un moment, vous avez chanté un moment. Thomas va surfer sur les anneaux de Saturne. Alors ça, c'est effectivement très imagé. C'est joli. Je ne vais pas commenter ça. Mais par contre, ça m'a fait penser à un truc. Avec Olivier, on parlait d'habitat sympa, voilà, où on se sent à l'aise, etc. Et une des raisons d'être à l'aise sur Mars, prenons le cas de Mars, bah c'est d'avoir des loisirs. Et j'ai dans mon bureau une très belle affiche faite dans une école de design. Olivier parlait de designer tout à l'heure, avec laquelle on travaille, qui font partie de notre groupe de réflexion sur le futur des bases humaines, d'astronautes en combinaison d'astronautes qui skient sur Olympus Mons, la plus grande montagne du système solaire, de Mars, mais aussi du système solaire, 27 000 mètres d'altitude. C'est pas de la neige comme on a ici dans les Alpes françaises, c'est de la neige carbonique, c'est pas de la neige d'eau, mais c'est de la neige carbonique, mais on peut surfer, voilà, on surfe, pas sur Saturne, mais sur Mars. Et les loisirs, les divertissements, le sport, ça fait partie des plaisirs de la vie. Donc c'est prévu. Alors, vous avez vu qu'on a rapidement parler de deux extrêmes. La station orbitale lunaire faite de petits Lego, on sait déjà faire, on l'a déjà vu, etc. Et puis une station martienne peut-être plus ambitieuse avec, on parlait de 70 personnes, ça peut être davantage encore. Il y a plein de projets, il y a plein de problèmes aussi qui se posent dans ce genre de projet. Et j'ai envie de vous passer la parole tout simplement. Vous savez que au Mardi de l'espace, on vous passe la parole et vous pouvez directement discuter avec les intervenants, leur poser vos questions. Donc, il suffit que vous leviez la main et puis je viens à vous. Bonjour, merci pour votre intervention. Je reviens sur le côté de l'architecte qui doit repenser les habitats sur la Lune en fonction de, par rapport à la pression atmosphérique. Mais est-ce que quand vous pensez les habitats, est-ce que vous pensez des habitats qui sont non pressurisés? Parce que du coup, et que les personnes alors vivraient dans des combinaisons tout le temps, à part peut-être une pièce ou quoi. Parce que c'est vrai que peut-être naïvement aussi, moi, au départ, j'aurais pensé que on pressuriserait, que du coup, ça n'influencerait pas le design spécifiquement des structures là-haut. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais enfin, si on veut vivre tranquille, quand on est sur la Lune, on est quand même la combinaison sera pas la même que celle de Mars, hein, très clairement. On les voit quand ils se déplacent et quand ils se penchent, ils peuvent pas se pencher. On est dans un vaisseau spatial qui se plie pas. Donc si on cherche à les faire vivre, un scaphandre, c'est comme les scaphandres de la Lune. Oui, ouais, parce qu'en plus ils étaient blindés quand même, parce que la régolithe, c'est un tout petit peu agressif. La régolithe, c'est le sable, la poussière. La poussière que vous avez sur Terre, vous avez eu l'eau et l'air dessus, donc c'est des petits ronds. Voilà. Sur la Lune, il n'y a pas eu de circulation d'eau et d'air. Donc tout ce qui a été, tout ce que vous avez en pseudo-sable, comme ça, c'est ce qui a été percuté par les météorites et ce genre de choses. Donc il y a des arêtes vives. Oui, si vous frottez la main avec, je pense que votre main est en mauvais état après, c'est du papier de verre. Ce qui inquiétait beaucoup d'ailleurs les gens sur Terre quand ils voyaient les astronautes tomber sans arrêt, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient se percer les combinaisons qui ont bien résisté. Enfin bon, en dehors de ça, ils sont dans une combinaison. On va effectivement faire des endroits qui ne seront pas pressurisés, parce que quand on doit réparer Un rover, il vaut mieux pas le faire au soleil, c'est-à-dire éviter de se prendre les radiations si on peut éviter de se les prendre, même si pour l'instant on n'a pas trouvé la solution, une solution valable. Donc oui, des lieux non pressurisés ou faiblement pressurisés, avec un masque, mais on ne garde pas la combinaison. Demandez aux astronautes ce qu'ils pensent des réparations qu'ils effectuent en extérieur en combinaison spatiale. Quand il reste 5 heures, c'est pas, je pense pas qu'il voilà, il pourrait faire ça en une heure sur Terre facilement. Donc, on pressurise le maximum pour pouvoir se passer de scaphandre. On essaie de pressuriser le maximum, voilà. D'accord, ok. Après que ça influence le design il va être influencé principalement par la gravité. Si on a une combinaison, on ne fait pas la même taille, donc ça influence aussi le design. Comme je l'ai dit, on essaye de gagner de la place. Donc, si on peut laisser la combinaison ailleurs que dans l'habitat, ça serait quand même bien. Ça nous permet d'économiser de la place et on a besoin de cette place. Donc, enfin, ne pas laisser le scaphandre dans l'habitat, mais le laisser à l'extérieur, hein, c'est ça ? Ça serait mieux. Ouais, alors on va voir tout à l'heure, il y a des manières assez intéressantes de stocker ce scaphandre et puis d'entrer dans le scaphandre par le mur, hein, si je puis dire. Ok. Ça vous convient, François Spirou, cette réponse ? Oui, je vais exactement dans le même sens qu'Olivier. J'espère qu'on va pressuriser, on ne va pas vivre en scaphandre. Voilà, quand même. Exactement. Ouais, d'accord. C'est quand même beaucoup plus sympa de vivre comme ici, comme dans ce restaurant, sans scaphandre, sans masque, sans rien. Et sur Mars, alors c'est plutôt à toi, Olivier, de le dire qu'à moi, mais une des grandes idées que nous avons, c'est pas des habitats individuels sous une cloche, mais c'est carrément un village complet sous une cloche. Peut-être, Olivier, si tu veux commenter. Alors sur Mars, ça serait dans plus longtemps, parce qu'une base de 70 personnes au début, bien entendu, on va amener toute la Terre. Mais après, c'est d'arriver à faire un dôme. Le dôme est intéressant pour plein de raisons. Parce qu'on va avoir une surface immense, en fait. Voilà. Donc après, on peut imaginer plein de choses. Là, à ce moment-là, les imprimantes 3D seront peut-être envisageables, mais en travaillant d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'en aura pas une comme sur Terre qui va nous faire un truc monstrueux. Enfin, le but, c'est de faire un dôme. Les matériaux... Donc vous allez faire un dôme avec des imprimantes 3D. Oui, plusieurs. Mais vous voyez ça comme des petits robots qui se déplacent et qui vont faire quelque chose. En utilisant le sol lunaire, en utilisant la rigolette. Les matériaux qu'on trouve sur place. Les sols martiens, dans ce cas-là. Sur la Lune, on fera pas forcément la même chose. L'idée, c'est de fabriquer ce qu'on va appeler largement un polymère. Donc une peau avec une épaisseur, on fabrique ce dôme à l'intérieur, donc ça c'est l'idée. À l'intérieur de cette peau, c'est pas une peau simple en fait. Je vous avais parlé du fait que moi je suis très branché biologie. Il y a un truc qui s'appelle le biomimétisme. Les meilleures réponses qu'on a actuellement, même scientifiquement, elles viennent du vivant. C'est-à-dire qu'on se pose des questions à la con et puis tout à coup on se dit zut, ça existe déjà. On fait des matériaux à mémoire de forme. Un bébé, c'est un truc à mémoire de forme aussi. Ça se souvient bien de quand ça se fait bobo et comment ça va se réparer. Nous, on continue de se réparer. Plus on vieillit, moins on se répare bien. Mais ça, bon, on est imparfait, tant mieux, à la limite. Et on se demande comment on fabrique de l'énergie. Et bah oui, mais nous, on en fabrique de l'énergie. On en fabrique même trop. On fait 37 degrés. Vous enfermez les astronautes dans l'ISS. On est obligé d'évacuer la chaleur. Donc on en fabrique trop. Et en plus, il y a tous les instruments à l'intérieur qui fournissent. Il y a tout un tas de réponses comme ça qu'on a. Donc d'en avoir cette espèce de peau de dôme et de partir sur un truc biologique, ça devient vachement intéressant. Quand on a fait de la biologie... Donc un dôme biologique, donc une maison inspirée d'un organisme vivant. Ça voilà. Vous alors François Spirou, quand vous entendez ça, parce que vous êtes, vous êtes tourné vers Olivier Valter en disant « Vas-y, dis-le. Pourquoi est-ce que ça vous alors, excite, ça ?» Voilà. Une maison inspirée alors, effectivement, de la biologie. Il y a deux mots, il y a beaucoup de mots, mais deux mots en particulier qu'Olivier a dit sur lesquels je voudrais abonder. Le premier mot, c'est le mot de biomimétisme, effectivement, ou on appelle aussi ça bio-inspiration, comme Olivier l'a dit, s'inspirer de ce que fait la nature depuis la nuit des temps, pour faire des tas de choses bien, voilà, comme la nature le fait bien. Et en particulier, effectivement, ça s'applique aux futurs habitats spatiaux. Voilà, et donc là, je laisserai Olivier commenter. Et la deuxième chose, et juste peut-être pour compléter, au CNES, comme quoi on essaie de garder les yeux et les oreilles ouverts un petit peu sur ce qui nous entoure, il y a un ou deux ans, personne n'avait entendu parler du biomimétisme au CNES. Il y a un an et demi, ça a commencé à arriver doucement à nos oreilles. Et là aussi, comme sur les futurs habitats lunaires et martiens, eh bien, on commence à travailler sur ce sujet. Voilà. Deuxième donc, mot. S'inspirer des solutions du vivant. Voilà, mais, par exemple, une fourmilière, oui. Une termitière, Comment est-ce que les fourmis entre elles, elles s'organisent pour que ce ne soit pas le bazar monumental ? Eh bien, elles ont, alors c'est toi, tu vas le dire mieux que moi, mais elles se sont organisées de telle sorte à ce que la circulation des personnes, la circulation des fourmis se passe bien, qu'elles ne se marchent pas sur les pieds, etc. Et donc, c'est un peu sur le très long terme, quand il y aura des villes sur Mars ou ailleurs, on peut peut-être s'inspirer de ce genre de choses. Et il y a un deuxième élément sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Olivier, c'est l'histoire de l'énergie. Toujours dans une perspective très long terme. Si on veut des bases autonomes, si on veut que ne pas amener tout le temps des choses de la Terre, et en particulier de l'énergie, il faudra avoir de l'énergie sur place, il faudra avoir du solaire, du nucléaire et beaucoup d'autres choses sur place. Le nucléaire, carrément un réacteur nucléaire ou des matériaux nucléaires qui produisent de la chaleur qu'on peut récupérer pour fabriquer l'électricité comme ça s'est fait avec Opportunity et ce genre de choses-là. Alors, bonne question. L'énergie solaire qu'on reçoit à la surface de la Lune est à peu près la même que sur Terre, et c'est aussi à peu près la même que sur Mars. Donc, a priori, avec des capteurs solaires, on pourrait arriver. Donc, tant qu'on est dans des configurations d'habitat, de petits villages, de petites colonies, à la limite, le solaire, ça passe. Si on réfléchit à, comme Olivier y travaille, peut-être, Olivier, tu commenteras tout à l'heure, mais à des bases de 1000, 10 000, 100 000 personnes, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ça ne suffira plus. Et donc, effectivement, on n'a pas encore trouvé de meilleure énergie relativement propre que le nucléaire. Et donc, un réacteur nucléaire ? Oui, d'accord. Le plus propre possible. D'accord. Enfin, vous inquiétez pas, il y en a déjà plusieurs sur la Lune. Ouais. Bah, toutes les missions Apollo. Ouais. C'est des réacteurs isotopiques. Oui, mais enfin, c'est pas exactement ce dont je parlais, hein, si je me trompe pas. Non, là, c'est pas réacteur nucléaire, hein, c'est pas. Alors ensuite, effectivement, il faut qu'on se comprenne, quand même. Hein. Oui, ça dépend ce qu'on appelle. ça dépend ce qu'on appelle réacteur nucléaire. On va pas construire Fessenheim sur la Lune ou sur Mars. D'accord. On n'en est pas là. Mais sur le très long terme, à réfléchir. D'accord. Et peut-être juste un point, puisqu'on dit à réfléchir, on s'éloigne sans s'éloigner du sujet. Je disais en introduction qu'au CNES, on a créé il y a un an et demi, cet observatoire de prospective spatiale qui s'appelle Spaceible. Dans la prospective, c'est la réflexion à long terme, c'est l'anticipation, si vous voulez. Un des sujets d'anticipation qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date déjà de l'époque où moi j'étais étudiant, donc presque l'âge des cavernes, comme disent mes enfants, il y avait une idée qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle... Alors, je ne sais pas le mot en français, Solar Power Satellite, c'est-à-dire des satellites qu'on met en orbite autour de la Terre, mais on peut imaginer la même chose autour de la Lune, la même chose autour de Mars, qui vont capter l'énergie du Soleil en orbite, c'est-à-dire vous n'avez pas l'atmosphère qui va vous absorber l'énergie du Soleil, qui va la condenser, qui va l'envoyer par micro-ondes ou par d'autres moyens au sol, et donc vous avez des grands faisceaux d'énergie. Pour l'instant, ça n'existe pas, ça reste de la prospective. Mais voilà, les choses s'accélèrent, on le disait tout à l'heure. Bonsoir. La question que je me pose est basée sur le régime alimentaire. Sur une autre planète, avec d'autres sols, de quoi se nourriront les voyageurs du futur, du coup ? Tu veux pas ? Oui, je peux. Ils vont manger la même chose qu'ici. Voilà, parce que l'humain est bête et qu'il ramène systématiquement les mêmes choses. Non, il est pas bête, en fait, il se nourrit avec ce qu'il a sur place. Donc la meilleure des choses à faire est quand même de reproduire ce qu'on connaît, c'est pas d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Actuellement, dans l'ISS ou dans ce genre de choses, effectivement, on va amener des aliments qui sont préparés un peu à l'avance, mais si on s'imagine une vie sur la Lune ou sur Mars, sur la Lune, ce sera plus simple. On pourra faire venir des choses de la Terre, et en échange, ils nous vendront de l'eau de la Lune, une fortune. Comme ça, il y aura un bel échange. Et l'idée, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut reproduire. Parce que souvent, les discussions qu'on avait, alors c'est drôle, parce qu'il y a 20 ans, on disait plein de choses et tout le monde se moquait de nous. Ce qui était drôle, parce que maintenant, on commence à les voir apparaître. Pensez un petit peu à la sensation de manger toujours. On vous dit, oh, vous, vous allez manger une pâte, c'est suffisamment nourrissant et tout. Par exemple, vous mettez à manger un seul aliment pendant 3 semaines et vous n'avez pas le droit de manger de tomates ou de trucs comme ça. Le plaisir au bout de 3 semaines de retrouver une tomate. Mais même le plaisir de croquer. Et puis, en dehors du plaisir de croquer, parce que c'est un plaisir, c'est aussi tout ce que notre physiologie nous demande. Si on croque pas, nos os ils réagissent pas de la même manière, nos muscles réagissent pas de la même manière. Marcher, c'est pareil. Enfin, il y a plein de choses qui sont des activités biologiques. Pourquoi ça nous procure du plaisir? Parce que notre corps, il nous envoie des messages en nous disant « j'ai besoin de ça ». Si ça, ça marche pas, t'es mal. Donc, il nous envoie le message gentiment à la colonie de bactéries qui est en moi. Elle m'explique gentiment que voilà, ou alors elle m'explique méchamment que ça va mal se passer si je fais pas ce qu'elle me dit. Mais on va se retrouver quasiment avec les mêmes aliments. On va peut-être inventer quelque chose de nouveau, oui, mais bon, a priori, on va rester dans les mêmes choses. Les habitudes alimentaires vont changer sur la longueur. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, il y a très longtemps, ils bouffaient peut-être tous du je sais pas quoi d'ailleurs, ils mangeaient ce qu'ils... Enfin si, l'être humain à l'origine, il y a très très longtemps, il mange des cadavres. Notre organisme, il est fait pour ça. Voilà, petit à petit, on a changé. Voilà, on a mangé de la viande crue. On produit des plantes, on produit sur place, dans ces grandes colonies, on a des serres, hein, et donc on produit des plantes et des tomates dont vous parliez, et des petits pois, des haricots verts et que sais-je. De la viande aussi? Pourquoi pas? Oh, bah, oui, au début, le plus simple, c'est les insectes et les poissons. Hein. Les insectes, c'est une grosse source de protéines. Puis il y a plein de peuples qui mangent que ça. Hein. On sait très bien, quand il y avait les invasions de sauterelles, on récupérait les sauterelles et puis on les bouffait. Ça se fait encore dans certains pays. On capture les sauterelles, on sort les grilles, on les fait griller, puis on les revend. Donc ça se mange bien. Parce que quand vous mangez des crevettes qu'on affectionne particulièrement, c'est quasiment de la même famille que les insectes. Hein. Donc voilà, c'est la même chose. Et alors la protéine animale sur Mars, par exemple? Les insectes, puisqu'on trouvera là-bas. Si on a fait un peu de biologie, faut pas rêver. Hein. On pense à faire un petit peu d'agriculture dans notre capsule, mais élever un animal, par exemple, on y pense ou pas? Oh, ça peut se faire, ça se fera. Hein. Dans les sous-mariniers, ils se baladent bien avec des poules et des lapins. Hein. Mais ils les mangent pas quand même? Non, non, d'accord. Ils les gardent parce qu'il faut quand même avoir un truc pour tout. Les sous-mariniers, quand on parle des sous-mariniers, c'est ceux qui partent pour des missions de plusieurs mois à bord de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ouais. Alors, si je peux juste compléter sur cette affaire d'animaux. Là, on parle. Ce que Olivier décrit, c'est l'après-demain. Demain, c'est l'ISS, c'est le gateway autour de la Lune, etc. L'après-demain, c'est les bases humaines, les premières bases humaines lunaires martiennes. Et l'après-demain, donc là, pour le coup, dans vraiment très longtemps, on peut tout à fait envisager des arches de Noé. Il y en a qui travaillent là-dessus, qui partent depuis la Terre. Imaginez scénario catastrophe. Là, je reviens un peu à des scénarios noirs. Imaginez un scénario catastrophe du fait du changement climatique, du fait d'un dictateur fou qui appuie sur le bouton nucléaire, la Terre devient peu ou pas vivable et qu'il faille aller ailleurs. On n'en est pas là et j'espère qu'on n'y arrivera jamais, mais sait-on jamais. On peut tout à fait envisager à très très long terme des arches de Noé qui emmènent des tas d'animaux et qui vont vivre, comme le disait Olivier, dans des dômes, sous des dômes martiens par exemple. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec les changements de gravité, on ne sait pas vraiment comment le corps va s'adapter. Le plus simple, imaginons qu'on crée un dôme sur Mars, le plus simple, c'est évidemment les poissons. Les oiseaux, ça sera sympa aussi, puis ça, c'est sympa d'entendre les oiseaux chanter le matin, de les manger aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Après, il faut être réaliste sur ce que l'homme aime faire et ce qu'il aime avoir. De toute manière, il faut créer un biotope. C'est indispensable. Donc, il va falloir amener le biotope avec nous. Il va falloir arrêter de remplir des cylindres avec des trucs comme ça en disant ça va bien se passer. Et après, de se rendre compte que ça ne fonctionne pas bien parce qu'on se retrouve avec des bactéries qui bouffent tout partout. Pourquoi vous faites allusion? Parce que vous parliez de myrrhe là tout à l'heure. Myrrhe, c'est quoi cette histoire de myrrhe, Myrrhe, François Spiro, à force qu'il a fallu... Racontez-nous cette histoire. On connaît tous les deux l'histoire. En fait, Myrrhe, qui était la dernière grande station spatiale soviétique, elle a dû être abandonnée avec perte et fracas au début des années 2000. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait l'ISS qui était en train d'être construite et les Russes, successeurs des Soviétiques, était partie prenante de l'ISS, mais surtout parce que Mir était devenue invivable. Comme l'a dit Olivier, ça pullulait de bactéries, de virus, de tas de saloperies. Les astronautes, les cosmonautes qui étaient dans Mir m'ont raconté que l'air était irrespirable, ça sentait très mauvais, c'était plein de pathogènes, donc voilà. Et donc, alors, effectivement... ça sentait mauvais, attendez, mais les pathogènes, je veux bien, mais alors, comment est-ce que je les... Comment dire ? Comment est-ce que je les voyais, ces pathogènes ? Alors, ça se voit pas, c'est comme les bactéries. À part l'odeur. Non, mais parce que je crois qu'il y avait des champignons aussi. Hein. Il y avait des moisissures qui se développaient. Ça se voit pas, mais ça s'analyse, ça se détecte par toute une série d'instruments. Et pour revenir à la mission de Thomas Pesquet d'il y a 2 ans, eh bien, parmi les nombreuses expériences scientifiques et technologiques que nous avons fait faire à Thomas, il y en avait plusieurs qui étaient justement pour le suivi, pour l'analyse de la contamination microbienne. On a travaillé par exemple avec une société très connue, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, les laboratoires Mérieux, un grand nom de la pharmacie en France, en Europe et dans le monde. On a eu un partenariat entre CNES et BioMérieux, qui est une filiale des labos Mérieux, pour étudier avec Thomas, là-haut dans l'ISS, la potabilité de l'eau. Un truc tout con. Est-ce que cette bouteille d'eau qui est devant moi, que je vais boire, est-ce qu'elle est potable ? Ça a l'air tout bête comme question. Quand vous êtes dans la station spatiale, quand vous êtes sur Mars, quand vous êtes encore plus loin, si vous n'avez pas de l'eau potable, vous pouvez oublier tout le blabla qu'on est en train de faire ce soir. L'eau potable, pour être plus précis, c'est la base de toute vie. Et donc des choses aussi simples que ça, dans Mir, pour revenir à la question, eh bien dans Mir, c'était plus possible. Parce que l'eau était contaminée, tout était contaminé, on ne pouvait plus vivre. Bonjour, je me demandais si vous avez fait de la prospection en matière d'organisation sociale, d'organisation sociétale, une fois qu'on aura atteint 1000, 10 000, voire 100 000 individus sur Mars. Quelle forme d'organisation pensez-vous qui sera en place ? Est-ce que ce sera une forme de département, une forme carrément d'État indépendant ? Est-ce qu'il y aura nécessairement une organisation indépendante ? Ne serait-ce que par le délai de communication, on ne peut pas avoir une gouvernance à distance. Vers quoi on se dirigerait ? Merci. Alors en fait, on est dans des cas particuliers qui s'étudient très bien avec plein de sortes d'animaux. Quand on arrive aux masses critiques, généralement, il y a un moment où ça ne devient pas vivable. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre la décision eux-mêmes. Il y aura toujours une sorte de contrôle de la part des gens qui sont sur Terre, mais là, on rentre dans la théorie de la relativité restreinte, c'est-à-dire que le temps sur Terre n'est pas le même que le temps sur Mars, et ça ne sera jamais le cas. On ne pourra pas faire la même chose. Donc le contrôle, au début, il sera peut-être présent, mais à partir du moment où les gens vont vivre sur Mars, on pourra leur dire ce qu'on veut, ils n'en auront juste rien à faire. Voilà, en quoi est-ce qu'on va pouvoir, à part leur envoyer des policiers pour les surveiller, qui eux-mêmes vont devenir des martiens et qui, au final, vont devenir comme les autres. En fait, l'humain reste humain pour l'instant. Donc, chercher à imposer quelque chose à l'humain, l'humain s'amuse à s'analyser lui-même. Il y a plein de gens qui sont là pour donner des leçons à tout le monde. Les civilisations humaines se sont toujours équilibrées. Voilà. Encore 2 secondes, on crie actuellement sur plein d'événements qui sont en train de se passer. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu pire et il y a rarement eu mieux. Donc en fait, la civilisation s'équilibre. C'est juste qu'il faut essayer de leur donner les moyens de se diriger eux-mêmes. Et la seule méthode, c'est de faire comprendre aux gens, et même sur Terre, on a du mal, ce que c'est que la fraternité humaine. Voilà. C'est quoi la fraternité humaine ? Est-ce qu'on est issu des mêmes atomes ? Mais dans ce cas-là, il faudrait... Là, on peut aller dans le quantique, hein, parce qu'on sait très bien qu'on a tous des atomes qui sont issus du même univers. A priori, c'est le seul qu'on connaisse pour l'instant. Alors, je vais continuer sur deux points qu'a mentionné Olivier. On associe souvent l'exploration humaine de la Lune, de Mars, et puis de destinations encore plus lointaines, à la conquête de l'Amérique. Vous savez, hein, Christophe Colomb, 1492, etc., découvrir un nouveau continent. Ce n'était pas tout à fait vrai, on le sait maintenant, mais à l'époque, c'était un peu ça. Eh bien, regardez, étudiez l'histoire. 1492, découverte, entre guillemets, de l'Amérique. 2 siècles plus tard, les 13 États de la Nouvelle-Angleterre ont fait un grand bras d'honneur à l'Angleterre et un peu à la France, mais surtout à l'Angleterre, en disant « Maintenant, on va être autonome, on va être indépendant. » Cette indépendance des États-Unis, finalement, peut être un peu un analogue à ce que dans 50, 100, 200 ans, les Martiens nous feront. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque. Et puis, je rebondis sur un deuxième point, qui est cette histoire de gouvernance, d'aspect humain, etc. Oui, tôt ou tard, l'humanité ne sera plus uniquement sur Terre. Il y aura à gauche, à droite, d'abord sur la Lune, sur Mars, et probablement plus loin, plus tard, il y aura des bases humaines qui s'auto-administreront. Et dans notre petit groupe que je mentionnais tout à l'heure, nous réfléchissons justement à quel type de gouvernance. On parlait de police, on parlait de sécurité. Oui, ça fait partie des choses qu'on regarde. L'être humain est ce qu'il est. Je ne sais plus quel est le philosophe grec qui disait « l'homme est un loup pour l'homme ». L'homme est un loup pour l'homme sur Terre, à Paris, mais aussi au fond d'un cratère lunaire, mais aussi sur Olympus Mons. Ce dont on a parlé m'a inspiré deux publicités. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais m'en emparer pour faire des spots publicitaires. Donc, voilà. Premier spot publicitaire. Dormir, on ne peut même plus dormir. Nous qui nous prenions pour des émirs, des demi-dieux qu'on admire. Dormir, ça sent le vieux tapir, c'est ça là en frémir. Dommage qu'on n'ait pas de mire express. Ah bah oui. Et deuxième publicité, voilà, sur la capsule Orion. Avec la capsule Orion, votre bière reste fraîche pendant toute votre mission. Alors faut que tu te dépêches, buveur de bière, sois pas bougon, achète la capsule Orion. Je sais pas si j'ai bien compris le terme capsule, mais oui, c'est ça. Merci. Merci, merci beaucoup. Là aussi, si je peux juste... désolé, hein, je prends l'habitude de réagir. C'était positif. C'était très positif. Ah bon, alors quand même. Et ça m'a fait penser à une chose qu'on a mentionnée rapidement tout à l'heure et sur laquelle on n'a peut-être pas suffisamment insisté. C'est l'histoire de la gravité. Olivier en a parlé pour l'histoire, pour la conception. Voilà, pour la exactement. Conception de l'habitat, c'est absolument décisif, c'est structurant. En fait, vous avez trois types de gravité, pour le dire simplement. Vous avez la gravité terrestre, je prends cette cuillère, je la lâche, elle arrive sur le sol avec une certaine vitesse, une certaine force, etc. La gravité de la Terre qui est forte, on ne le sait pas forcément, la gravité terrestre est une gravité forte. A l'inverse, vous le savez, la Station Spatiale Internationale, là où Thomas Pesquet était il y a deux ans, gravité zéro. Et on a, Olivier l'a mentionné avant, on a des gravités intermédiaires entre 0 et 1, 1 étant la Terre, 1 sixième la Lune, 1 tiers Mars. Pourquoi je mentionne ça? Les habitats seront différents, Olivier l'a mentionné, mais il n'y a pas que les habitats. Il y a aussi tout ce qui est industrialisation. On peut imaginer à long terme, on parlait tout à l'heure d'autonomie, d'indépendance, d'un village martien par exemple. Ces braves gens, pour être vraiment indépendants, il faut qu'ils aient du travail, il faut qu'ils extraient des minerais. On parlait d'extraire des ressources locales. Donc, il y a de l'industrie. Imaginez-vous faire tourner des machines, non pas à gravité 1, comme ici, mais à gravité 0, si on est dans des grandes bases orbitales, des super ISS, ou à gravité 1 tiers sur la Lune, sur Mars, pardon. Ce sera complètement différent. Et ça, on n'en est qu'au balbutiement pour comprendre comment ça va fonctionner. Donc, il y a tout un champ d'investigation sur l'industrie, les machines, comment tout ça va se mettre en œuvre. Ah, j'aimerais bien... Il y a deux questions. Hein, je ne vous oublie pas. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour du côté de notre livret là, que vous avez eu sur vos tables. Et regardons déjà la première page. La première page, c'est une image de l'Agence spatiale européenne. On a la suite, hein, page 2 également. Hein, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ils appellent ça le Moon Village. L'Agence spatiale européenne appelle ça le village lunaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'un et l'autre? Ah. Aïe. Aïe. Bobo. Aïe Bobo, d'accord. Ouais, ça fait 20 ans qu'on nous montre les mêmes bêtises. Alors pourquoi c'est une bêtise ça? Bah je sais pas, ça vous fait rêver vous? Ah ben c'est pas le but. Alors, c'est pas de faire rêver, le but c'est qu'il y ait des gens qui vivent. On nous fait une sphère, bon ça c'est indispensable. Ah là, vous l'avez votre dôme? Ouais, on nous colle les espèces de hublots fenêtres qui sont absolument prohibés. Prohibés, pourquoi? Bah vous êtes sur Mars, vous avez... Non, là c'est sur la Lune. Vous êtes sur la Lune plutôt, ouais. Mars ça sera un peu mieux. Vous êtes sur la Lune, vous avez le Soleil qui vient faire des petites tempêtes de temps en temps, avec des ions négatifs qu'on n'aime pas du tout. Ouais. Et vous embêtez déjà à recouvrir de régolithes radioactives votre dôme. Donc le régolithe, c'est cette poussière. Voilà, hein, c'est voit cette poussière à droite, qui, si on met à peu près un mètre de régolithe au-dessus du dôme, on estime qu'on va pouvoir protéger, parce qu'on met de la masse, on va pouvoir protéger des impacts qui provoquent les radiations. Bon, la régolithe est déjà radioactive, c'est pas grave, on va se débrouiller. Bon, après la réalité du truc, on y croit pas. Moi personnellement, j'ai jamais cru que c'était la bonne solution, parce que je sais pas comment on va faire. Et je vois pas de solution, sincèrement. Et si on a des grosses solutions, on n'a pas besoin de faire ça. Bon, donc voilà, c'est... Et qu'est-ce qu'on fait? On met trois trous avec des hublots, avec un blindage pas possible pour protéger. Et quand est-ce qu'on va ouvrir? On peut pas les ouvrir. Si on les ouvre, on risque de faire... Alors, je sais pas, dans ce cas-là, ça veut dire qu'est-ce qu'on protège... Qu'est-ce que vous appelez ouvrir? Bah, ouvrir pour qu'il y ait de la lumière qui rentre, ah oui, à l'intérieur. D'accord. Donc en plus, la lumière... Enfin, il y a tout un tas d'aberrations. Et j'ai pas fini, oui, attendez. J'ai pas fini, ah, pas laissez-moi problème, finir. Problème. Parce que si l'intérieur, ça vous fait rêver, on est à un sixième de gravité, et qu'est-ce qu'on nous a fait? La même chose que si on était sur Terre. Ouais. Quel est l'intérêt? Alors l'intérieur, d'aller... on le voit voilà. Page 3. Regardez page voilà. 3, si... vous voyez l'intérieur de cet habitat lunaire. Je suis désolé, mais si on nous fait la même chose que ce qu'on a sur Terre, vous vous rendez compte de la surface perdue, de la surface qu'on pourrait développer à l'intérieur d'un truc comme ça? Est-ce que dans la nature... Mais qu'est-ce qu'on ferait différemment? Bah, j'ai compris que vous ne voulez pas d'escalier, là, il n'y a pas d'escalier. Je vous en avais un peu parlé dans le biomimétisme. Vous avez le cerveau de la grenouille, il est lisse. Le cerveau humain, il y a des circonvolutions. S'il devait être lisse comme celui de la grenouille, votre test, elle serait 4 à 5 fois plus grosse. Ça peut être utile qu'elle soit un petit peu plus petite, parce que physiologiquement, on aurait du mal à la tenir. Même si je suis d'accord qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à la tenir, leur tête, mais ça, c'est pas grave. Mais ces fameuses circonvolutions, ça crée de la surface. Alors pourquoi est-ce que quand on est sur Mars, sur la Lune, pardon, à un sixième de gravité, on crée un plancher comme ça qui n'a aucune raison d'être? Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas la surface? Qu'est-ce que vous mettriez au sol? Je sais pas, mais il faut y réfléchir. Enfin si, je sais, mais le but c'est pas de vous dire. Attendez, pour moi c'est quelque chose de plat. Non. Mon sol, il faut pas qu'il soit plat forcément. Non, d'accord, ça n'a aucun intérêt. Faites de la surface. Ok. Si vous voulez planter des choses, faites de la surface. Si vous voulez développer. De la surface. Donc je vais créer des circonvolutions, je vais faire voilà. des sortes exemple, de vagues. Par terre, il y aurait des vagues. On peut. Ouais. Et parce que vous n'avez pas la même gravité, vous vous déplacez pas de la même manière. Donc quel est l'intérêt de recréer ce qu'on fait sur la Terre? Et en plus de laisser la possibilité, si on fait des choses qui sont plus ou moins souples, aux gens qui vont vivre là-bas, parce que là on est quand même dans une base où on est censé vivre un certain temps, plutôt que de leur mettre des grands placards comme dans tous les films américains où je sais pas ce qu'ils font de leurs placards, mais ils ont toujours des trucs dans l'espace, ça me fait pas rêver hein. Même dans Alien, à la limite je trouvais le monstre plus sympa que l'intérieur du vaisseau, mais bon c'est mon avis, il était plus intéressant moi. Mais si on est dans des situations comme ça, pourquoi aller s'embêter à recréer quelque chose qui est complètement identique et sans imagination? Je suis désolé pour la personne qui l'a fait, mais... J'ai bien compris que vous êtes critique, mais alors, donc on va mettre des vagues. Qu'est-ce qu'on va faire, François Spirou? Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, alors... La régolithe, elle est radioactive, on n'en met pas autour, on en met. Alors... Parce que l'idée de mettre de la régolithe, là, c'est pas d'augmenter les radiations, c'est au contraire, si je ne me trompe pas, de réduire le niveau de radiation venu du cosmos. Hein. Alors effectivement... Il y a des rayonnements problématiques. Effectivement, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, contrairement à la Terre, contrairement à Mars. Donc on est bombardé plein pot par tous les rayonnements nocifs qui existent dans le cosmos. Donc effectivement, il faut se protéger. Et beaucoup de gens, heureusement ou malheureusement, je suis d'accord avec Olivier, plutôt malheureusement, penchent avec la solution qui est un peu une solution de facilité, qui se dit, bon, c'est pas compliqué. On est bombardé, on va se protéger, on va mettre 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres de surface, de régolithes, de roches, quoi, tout simplement des roches. Et donc, ça me fait penser en écoutant. C'est quoi le problème? C'est alors, effectivement les radioactifs. Bah, le problème, je vais vous le dire. Comment vous le mettez? Comment? Alors, déjà, il y a un problème de faisabilité, comme dit Olivier. Mais je vais vous répondre par une boutade. Là, quand un jour, je parlais avec... J'ai des petits robots, là. Si je regarde page 2, j'ai une armée de petits robots qui fait ça très bien. Tout à fait. C'est le problème, à la limite, la techno, on y arrivera. Le problème, c'est plus un problème psychologique. On revient toujours, comme l'a dit Olivier avant, on revient à l'humain. Je répète, l'objectif, c'est pas d'aller déposer un module genre le Gateway, genre l'ISS, parce que ça, on sait faire et on saura faire sur la Lune, on saura faire sur Mars. L'idée, c'est d'avoir des habitats sympas, agréables, où on reste longtemps. Et pour ça, quand j'en parlais avec des collègues il y a quelques temps, j'ai eu un de mes collègues qui m'a fait cette magnifique boutade qui résume bien tout ce qui vient d'être dit. Finalement, le progrès technologique, le progrès dans cette exploration spatiale de la Lune, de Mars, etc., c'est le retour vers l'homme des cavernes. C'est très fort comme image. On fait du progrès, on avance dans les technologies, dans la science, pour finalement habiter dans des cavernes. Eh bien, on dit non. Mais faut non, se protéger. C'est pas une bonne il faut se protéger. Il faut se protéger, mais il y a d'autres possibilités. Peut-être, Olivier, tu peux en parler. Il faut voir ça sur la longueur après. Là, les habitats, on va faire plein de choses. Parce que là, c'est pas très ambitieux. Là, c'est juste, on a quelques. Mais c'est trop ambitieux. On a quelques astronautes, on a 3-4 ouais, astronautes. C'est beaucoup trop ambitieux. Il s'agit pas qu'ils aient un qu'on super habitat. Ah, d'accord. Attendez, les moyens techniques qu'il faut amener sur place pour mettre un mètre ou deux de régolithes sur un dôme. C'est délirant. Il y a des gens qui me parlent d'imprimante 3D. Tout à coup, l'imprimante 3D est apparue et hop, on s'est mis à la sortir tout seul. Allez voir comment on fait de l'imprimante 3D en France ou au Japon, quand vous êtes dans le bâtiment. Quand est-ce qu'on va amener un truc aussi énorme? C'est pas possible. L'imprimante 3D, c'est super utile pour d'autres choses, mais si on amène une imprimante 3D sur place... Autant amener autre chose, hein. C'est pas la peine vraiment. Je vais pas vous interrompre justement parce que sur la page grosse. 3, et ils expliquent que justement ils voudraient construire cet habitat en imprimante 3D. Ouais. Et on voit à gauche ce qu'on fait avec une simulation de poussière martienne. Oui. Donc c'est une toute petite chose hein, parce qu'on voit une pièce de 1 euro juste à côté. Et à partir de poussière lunaire ou d'un simulacre, je suppose, d'une simulation de poussière lunaire, et on arrive à construire des espèces de murs avec des alvéoles. Mais on peut faire plein de choses, mais on est dans des combinaisons spatiales. Donc déjà, c'est pas l'humain qu'on va amener qui va construire. Donc il va falloir amener des robots, il faut amener des choses qui soient... Ça va prendre un temps fou. Alors effectivement, on peut faire des dômes géodésiques, on peut faire plein de choses. Mais la réponse immédiate, quand on va amener quelqu'un sur place, ça va être quoi? C'est une réponse immédiate. On veut les protéger des radiations, on va attendre combien de temps pour construire ce fameux truc de protection autour des astronautes? Alors ça sera fait et ensuite on va rentrer dans une base qui sera radioactive. Cette protection, comment est-ce que vous l'assurez du coup? Ah mais ça pour l'instant on va... Ça c'est une réponse qu'il faut chercher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans cette solution qui pour moi est à la fois facile et trop difficile. Voilà. Il y a peut-être une solution, on a des polymères, on sait fabriquer des polymères. De l'eau c'est aussi très très bien, on n'a pas besoin d'avoir un mètre. C'est-à-dire qu'on va mettre un réservoir d'eau? Non. Qui va isoler? Non, c'est trop simple encore. De l'espace. Fabriquer des polymères. Bah, Spirou, il me dit, voilà. François Spirou, il me dit oui, oui, de la tête. Alors moi, je mettez-vous d'accord. C'est une des solutions, mais il y a des choses effectivement plus élégantes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi plus élégant? Parce qu'on a des personnes qui attendent pour poser leurs questions. J'ai pas de solution, je dis. Mais il y a des choses plus élégantes. Non. François Spirou, qu'est-ce qu'il y a de plus élégant? Effectivement, on est en train de travailler les agences spatiales, des instituts de recherche, sur des polymères, sur des nouveaux matériaux très résistants, mais très solides. De la Terre. Soit, alors dans un premier temps, qu'on va apporter la Terre, et puis, comme on l'a dit plusieurs fois ce soir, in fine, qu'on va fabriquer sur place. Et qui vont nous protéger des radiations, qui vont nous protéger contre les tempêtes lunaires ou martiennes. Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de coloniser un petit peu, en quelque sorte, Mars et même la Lune. Mais finalement, quelle serait la problématique sportive pour, au niveau des eaux pour pas qu'ils s'abîment? Comment est-ce que vous comptez gérer ça, justement? Alors, très bonne question. La question de l'évolution physiologique, finalement, de l'homme, du corps humain. Alors, je vais commencer par le commencement. Notre banlieue, 400 km au-dessus de nos têtes, la station spatiale. Les astronautes, au bout de quelques jours, de quelques semaines là-haut, s'ils ne font rien, en l'occurrence, s'ils ne font pas du sport, leur corps se déglingue. les muscles fondent, les os se déminéralisent, le sang circule de manière différente, le cerveau, il y a des problèmes, la vision, il y a des problèmes, bref. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes en train de donner du grain à moudre à Raphaël pour sa prochaine chanson, ça. Sauf que, quand on envoie Thomas Pesquet ou d'autres là-haut, on ne veut pas qu'il revienne comme un alien. On veut qu'il revienne à peu près correctement. Donc, pour éviter ce problème, eh bien, on fait ce que vous savez, c'est-à-dire chaque astronaute doit faire 2 heures minimum de sport tous les jours. Et avec ces 2 heures de sport minimum tous les jours, le corps reste à peu près en bon état. Alors ça, c'est pour la Station Spatiale Internationale, gravité zéro, banlieue de la Terre. Quand on est sur la Lune, quand on est sur Mars, un sixième ou un tiers de la gravité terrestre, évidemment, c'est autre chose. Parce que déjà, vous avez de la gravité, même si ce n'est pas la gravité de la Terre. Donc, vous pouvez faire des exercices au sol. Vous pouvez faire, entre guillemets, du jogging. Je parlais de ski sur le mont Olympe de Mars tout à l'heure. Vous avez des activités sportives qui peuvent vous maintenir en forme. Le message, c'est il faut faire du sport. Il faut en faire déjà pour nous, sur Terre, pour rester en forme. Mais c'est encore plus vrai là-haut. Et donc... La dimension sportive, on y réfléchit également. Elle est à la fois médicale, avec tout ce que je viens d'expliquer, mais elle est aussi un élément de loisir. Et dans les travaux que nous menons dans notre groupe avec Olivier et quelques autres, un des sujets que nous regardons dans les futures bases humaines, lunaires, martiennes, etc., c'est d'avoir des complexes sportifs, des sortes de salles de sport adaptées à la gravité martienne. Bonsoir. J'aimerais savoir si le CNES étudie des solutions d'exploitation minière sur Mars ou sur la Lune. Et sinon, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça soit repris par des entreprises privées et qu'il y ait une dualité public-privé avec des confrontations comme il y a dans la série Mars sur National Geographic ? Alors, à nouveau, une très bonne question. Merci. Alors, oui et non. C'est-à-dire, le CNES... Comme sur d'autres sujets, regarde ce qui se passe en Europe et dans le monde. En Europe, il y a le Luxembourg qui est très en pointe sur le sujet de l'exploitation minière des astéroïdes d'abord, et ensuite de la Lune, peut-être un peu de Mars et d'autres corps. Donc on regarde ce qui se passe, on étudie. Et je parlais de Spaceible tout à l'heure, le groupe où nous sommes, mais il y a un autre groupe qui précisément étudie les possibilités à long terme d'exploitation de minerais sur les astéroïdes, sur la Lune, etc. Je vais être un peu plus précis. Sur la Lune, ça on le sait depuis pas mal de temps, il y a ce qu'on appelle de l'hélium-3. Donc c'est un minerai très très rare sur Terre, qu'on trouve en relative abondance sur la Lune, même s'il est éparpillé et que c'est un peu compliqué pour le récolter. Donc voilà, ça peut être une source. La vraie source de minerais intéressant, c'est pas la Lune, c'est pas Mars, c'est les astéroïdes. Il y a plein de belles choses dans les astéroïdes. Donc, qui dit astéroïde dit il faut aller creuser et ramener. Donc, c'est d'un point de vue logistique une sacrée galère. Et c'est une des raisons pour lesquelles on travaille sur ce Gateway dont je parlais tout à l'heure, cette station autour de la Lune. L'idée, ce serait de partir de la Terre, de rejoindre cette Gateway qui est en orbite autour de la Lune. Et de là, on pourrait faire des allers-retours vers des astéroïdes et récupérer des minerais. Donc voilà l'idée. Ce n'est pas une idée CNES, ce n'est pas une idée française. Il y a des gens au Luxembourg qui réfléchissent à ça. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui réfléchissent à ça. Nous, en France et au CNES en particulier, on est très prudents. Pour l'instant, ça reste quand même un peu de la science-fiction. Mais je répète, dans le cadre d'une prospective à moyen-long terme, c'est quelque chose qu'on regarde. Si La Fontaine avait vécu sur la Lune en écrivant le lièvre et la tortue, il aurait certainement gagné moins de thunes. Du fait de la gravité, ça aurait été tordu. Les fables, ça ne fonctionne que sur la Terre. Pourtant, la fontaine était lunaire. Si la fontaine avait vécu dans l'espace, en écrivant le corbeau et le renard, on aurait dit de lui qu'il était à la masse. L'histoire du fromage qui tombe, ça aurait été bizarre. Les fables, ça ne fonctionne que sur la terre. La fontaine était lunaire. Si la fontaine avait vécu sur Mars, en écrivant Perrette et le pot au lait, on lui aurait dit c'est une sacrée farce. Le pot tomberait si lentement qu'elle le rattraperait. Les fables, ça ne fonctionne que sur la terre. La fontaine était lunaire. Merci. Merci. Inspiré par les différentes références à la gravité et aux animaux. Olivier Walter, vous vouliez poursuivre. Oui, c'était juste pour l'exploitation. Comme le disait François, ce qui est intéressant, c'est la ceinture d'astéroïdes. On a fait une bonne partie du chemin. On est sur une planète qui est un tiers de gravité de la Terre. Tout à coup, on a vachement moins de problèmes pour décoller. Et surtout qu'on a le spatioport disponible, voilà, qui sort de l'atmosphère, ça s'appelle Olympus Mons, donc 25 km de haut. Même si la caldeira, donc le cratère intérieur, fait 1 km de profondeur, on est quasiment sorti de l'atmosphère. Donc on met un spatioport à cet endroit-là, on se bricole ces vaisseaux quand on vit sur Mars. Bon, pour l'instant, on ne sait pas très bien atterrir, mais c'est pas grave. Je suis dans le futur, très lointain. Et on va faire de la prospection dans la ceinture d'astéroïdes pour aller chercher des petits morceaux de ce qui nous intéresse. Bon, après, il faut les ramener, c'est vrai que c'est compliqué. Y a des gens qui ont pensé, pour terraformer Mars, à projeter des astéroïdes entiers d'eau ou autre sur la surface de Mars. Bon, voilà. Je sais pas si ce serait une bonne idée, mais ils y ont pensé. Donc un spatioport en haut d'Olympus Mons, ça vous fait pas peur, mais... Ah non, ça c'est chouette. D'accord, ça. Okay, là, d'accord, j'y vais demain. D'accord. Mes enfants sont pas d'accord, mais moi, oui. Michel. Oui, je commence par deux petites corrections de détails. Vous avez parlé de deux siècles entre la découverte de l'Amérique et l'indépendance. C'est plutôt presque trois, mais bon, c'est pas grave. L'homme est un loup pour l'homme. Je crois que c'était Homo homini lupus est. Donc c'était plutôt les Romains que les Grecs. Mais bon, je passe. C'est pas essentiel. Alors maintenant, j'en viens à des choses plus sérieuses. La différence avec l'Amérique, c'est que sur Mars, il y a peut-être eu une époque, il y a quelques milliards d'années, où c'était habitable, mais ce n'est plus vraiment le cas maintenant, spontanément. Donc la comparaison est limitée, parce que quand les Colomb et ses sbires sont arrivés en Amérique, il y avait du monde, il y avait des Américains précédents. Donc on savait que c'était habitable, qu'il y avait à manger, qu'il y avait à boire, etc. Et ça relativise évidemment la comparaison. Donc là, sur Mars, de toute façon, il faudra soit tout apporter, soit tout faire sur place. Et d'ailleurs, quand on dit « ils voudront être indépendants », ils seront indépendants lorsqu'ils auront suffisamment adapté le paysage pour pouvoir se débrouiller par eux-mêmes, mais pendant assez longtemps. Si la Terre leur dit « faites ceci, faites cela » et qu'ils ne le font pas, la Terre pourrait leur dire « bah écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, on vous laisse tomber, vous revenez tout de suite, ils n'auront pas le choix ». Alors, pour ce qui est de la construction de dômes ou de choses comme ça, puisqu'il y a un problème d'exercice pour que le corps humain s'adapte pas trop mal, bah, le terrassement, ça peut être une des activités, plutôt que de tourner en rond sur un vélo sans roue. Et il pourrait, par exemple, construire le dôme simplement avec une pelle, en pelletant la poussière locale sur une base de structure importée, ce qui éviterait d'avoir recours à des machines complexes, à l'imprimante 3D dont on parle, etc. Alors, une imprimante 3D, quand on veut construire un truc de 5 cm, ça marche très bien. Quand on veut construire un truc de 10 mètres, c'est pas encore tout à fait commode, et on n'a pas la source d'énergie, etc. Bon. Et alors un dernier point, dans la comparaison avec des milieux très différents et hostiles, est-ce que vous avez eu recours aux réflexions, aux expériences de gens qui se sont penchés sur d'autres domaines? Je pense par exemple à la vie sous-marine avec les constructions de gens comme Jacques Rouvry. Alors merci beaucoup pour ces remarques et pour la question. Sur vos remarques, oui, je souscris à tout ce que vous avez dit et je résumerai par une phrase. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Les choses s'accélèrent. Les technologies qui, hier ou aujourd'hui, permettent d'envoyer un pesquet dans l'ISS, ça sera complètement has-been dans 20 ans ou dans 50 ans. Aujourd'hui, une imprimante 3D, comme vous l'avez correctement dit, permet de faire des petits objets de quelques centimètres. Il y aura peut-être, je ne sais pas, une super imprimante 3D qui permettra de faire des beaux pavillons de banlieue autour d'Olympus Mons dans 50 ans, que sais-je. Donc tout ça pour vous dire que voilà, la prospective, la réflexion sur le long terme, l'anticipation, on ne peut pas tout prévoir. On peut imaginer, mais on ne peut pas tout prévoir. Et donc, voilà, il y aura de la rupture. Maintenant, sur l'idée de voilà, comment est-ce qu'on va vivre, etc., je crois que Paul, vous avez mis à la dernière page de ce petit livret d'images, je ne sais pas si vous connaissez tous, la pyramide de Maslow. Peut-être c'est le moment de dire quelques mots sur cette pyramide de Maslow. Peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent cette pyramide. En fait, nous, on a travaillé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a créé ce groupe de réflexion sur les futurs habitats, les futures bases humaines, lunaires, martiennes, etc. On est parti de cette pyramide. C'est quoi cette pyramide? Eh bien, c'est la pyramide des besoins humains. Tout en bas, vous avez les besoins élémentaires que tout le monde, vous, moi, tout le monde doit avoir. Tout le monde doit dormir, tout le monde doit boire de l'eau, tout le monde doit respirer, etc. Que ce qu'on soit dans un beau restaurant parisien, dans la caldeira d'Olympus Mons ou sur Titan, on doit tous manger, boire, dormir. On n'y échappe pas. Ensuite, quand vous montez strate par strate la pyramide, vous avez des besoins de sécurité. On parlait des radiations, il faut vous protéger de la radiation, mais il faut aussi vous protéger du voisin qui a cet instinct de prédation, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est un loup pour l'homme. Qu'on soit, je répète, à Paris, sur Mars ou ailleurs, il y aura toujours le petit con du voisin qui voudra bouffer sur votre parcelle. Donc il faut se protéger, c'est la deuxième strate, etc., etc. Vous remontez dans la pyramide de Maslow. Donc pourquoi je dis ça en réponse à vos remarques? C'est que qu'on soit sur Terre, sur la Lune, sur Mars, dans des grandes stations en orbite, n'importe où, il faudra toujours répondre aux besoins qui sont indiqués là-dessus. Alors juste deux choses. La deuxième remarque que vous aviez faite, je n'ai pas entendu en fait. Vous aviez commencé par les 200, 300 c'était, ans au lieu de 200 ans. C'était le loup pour l'homme. Non, c'était, je ne sais plus, c'est par rapport aux Romains ou je ne sais plus. Oui, c'est ça, le loup pour l'homme. Ah d'accord. C'était en passant. Non, mais c'est parce que je n'avais pas entendu, c'est juste pour ça. Après, on est d'accord sur les imprimantes 3D, c'est pour ça que je dis que pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais on peut imaginer que dans le futur, on puisse en fabriquer, mais c'est là aussi où je disais, on ne va pas faire du béton, enfin, je ne vois pas l'intérêt de faire du béton. Mais ça, je l'ai déjà dit, mais après, il faudrait que je développe beaucoup plus. Donc, si on fabrique un dôme, en gros, c'est une grosse musculature, c'est un espèce d'animal biologique dans lequel vous allez vivre. Votre idée. C'est mon idée, ouais. Mais je trouve que c'est super intéressant, c'est pour ça que je le fais. Voilà. Mais après, parce qu'il y a plein de réponses biologiques dedans qui sont passionnantes. En plus, quand on va être sur Mars au bout d'un certain temps, à partir de 60, même avant 70 personnes, il faut qu'ils soient très vite 100% indépendants. On ne peut pas les entretenir depuis la Terre, c'est impossible, ça coûte beaucoup trop cher. Sinon, ça veut dire qu'on va se poser sur Mars et qu'au bout de quelques années, on va abandonner Mars. Ça coûtera trop cher. Voilà. Sauf s'il y a une volonté, effectivement, de la part d'entreprises privées qui ont pris le pas sur le politique, on sait tous, hein, de toute manière, on va voir ce que ça va donner dans les années à venir, mais si on continue sur ce chemin-là, je suis assez pessimiste. Mais ces fameuses entreprises privées... Elles ont intérêt à récupérer les ressources, parce qu'une fois qu'on a développé la technologie pour aller dans l'espace, pour aller sur Mars, c'est vachement plus intéressant d'aller chercher des ressources dans l'espace où il y en a plein. Déjà, il y a plein d'eau comme sur Terre, on en trouve à peu près partout, Mais en plus, il y a plein de métaux rares, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est plus intéressant d'aller prospecter pour eux dans l'espace. Mais si on décide de se retourner, de retourner sur Terre et de se regrouper sur Terre, effectivement, on n'a pas besoin que Mars soit indépendante. Donc il faut que Mars soit indépendante pour qu'on puisse continuer d'avoir une base dessus. Et la nature humaine fera que les gens vont se rendre indépendants. Mais après, c'est le principe d'une fédération. Voilà. Et si je peux compléter, un des sujets sur lesquels nous travaillons, un peu en écho aussi avec la question de tout à l'heure sur les minerais, sur les ressources qu'on va chercher ailleurs. On travaille aussi dans ce groupe de réflexion qu'organise le CNES, on travaille sur les aspects économiques. Parce qu'on parlait de loisirs, on parlait d'industrie, on parlait de santé, il y a plein de choses. Mais voilà, il y a aussi l'économie, hein, vous savez bien, 100 euros, 100 dollars, ben on ne fait pas grand-chose. Et un beau jour, ben, il y aura une économie martienne, il y aura une économie lunaire, il y aura peut-être des économies sur certaines lunes de Jupiter, de Saturne ou ailleurs. Et finalement, l'écosystème, le mot important, c'est la partie importante du mot, c'est éco. L'écosystème humain qui pour l'instant est restreint à la Terre, va graduellement s'étendre en orbite terrestre, à la Lune, à Mars, voire plus loin. Et on regarde aussi ces aspects économiques. Et comme aujourd'hui avec les différents pays, eh bien, on aura peut-être une économie martienne, une économie terrestre, d'autres économies qui interagiront plus ou moins bien, comme l'économie française interagit plus ou moins bien avec la chinoise ou l'américaine aujourd'hui. Ah, il y avait une question en lien avec Jacques Rougerie. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, je connais Jacques, oui. Quand j'ai passé mon diplôme, je vis avec lui pour s'inspirer un petit peu, puisque j'ai fait un diplôme sur Mars. Donc lui, il a réfléchi aux habitats notamment maritimes. C'est l'habitat maritime. Sous-marin principalement, ouais, sous-marin, au début, et après, il a très vite travaillé sur le spatial. Et il a une fondation qui s'appelle la Fondation Jacques Rougerie, qui fait un concours depuis 2008, il me semble, ou 2011, qui fait un concours avec plein d'étudiants partout dans le monde, sur le spatial, sur la mer, sur le renouvelable, sur plein de choses. Et on a rendu les prix... En fin 2018, là, à l'Institut de France, on a remis les prix aux étudiants. Il y avait Claudie Aigneret, il y avait Alain Siroux, il y avait tout un tas de gens comme ça. Oui, on peut que s'inspirer de Jacques Rougerie parce qu'il est inspirant. Parce que c'est un fou comme je les aime. Donc j'arrive à le comprendre, c'est déjà ça. Mais c'est indispensable. Après, il y a d'autres archis un petit peu partout dans le monde qui font des choses intéressantes. La grosse difficulté, c'est qu'il faut... beaucoup traîné dans certains milieux parce que il faut avoir une connaissance une connaissance scientifique sur énormément de sujets. Si vous voulez travailler sur l'humain, il faut connaître l'humain. Mais vous savez, dans le bâtiment, c'est ce que les ingénieurs disent des architectes. Un architecte, c'est quelqu'un qui connaît rien sur tout. Voilà. Et l'ingénieur, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui connaît tout sur rien. Ça, c'est ce que disent les architectes des ingénieurs. On est obligé d'apprendre un petit peu de tout. Alors parfois on dit des conneries forcément parce qu'on va pas s'amuser à lire tous les livres parfaitement, mais quand je vous parle de théorie quantique, j'ai lu des bouquins dessus, j'ai fait de la biologie, j'ai fait de la géologie, ça j'en ai vraiment fait à la fac, j'ai fait plein de choses comme ça parce que c'est indispensable. Si on veut imaginer, il faut connaître. C'est ce que je dis aussi à mes étudiants quand on travaille en architecture pure. Si vous connaissez rien, vous n'allez rien inventer. On invente à partir de tout ce qu'on connaît. Et la plupart du temps, on n'invente rien. Hein ? Donc, on fait que reproduire des choses qui existent déjà, mais c'est tout. Juste un petit complément, une petite précision sur la question de marine, sous-marin, etc. La date d'aujourd'hui, 19 février, est bien choisie, puisque demain, 20 février, je serai à Marseille. Et j'ai une réunion avec une société assez connue qui s'appelle la Comex, qui est un des leaders dans le monde de tout ce qui est exploration sous-marine. La profondeur la plus grande faite par un être humain a été faite par des plongeurs de la Comex. Et c'est une boîte de sous-mariniers. C'est une boîte qui fait de l'exploration des profondeurs. Et pourquoi j'y vais, et pourquoi globalement le CNES travaille avec ces gens-là? Parce que le milieu extrême, Olivier est architecte des milieux extrêmes, les milieux extrêmes, c'est pas que l'espace, c'est aussi les sous-marins au fin fond de l'eau, c'est aussi, on l'a pas encore mentionné, des bases humaines près du pôle sud, en Antarctique, la France, avec l'Italie, opère une base qui s'appelle Concordia. Il fait en moyenne moins 60 degrés. Alors, hein, j'ai pas besoin de faire de dessin. On va pas faire son jogging dehors à moins 60 degrés. Mais pour la petite histoire, c'est la température moyenne à la surface de Mars. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle sur Terre des milieux analogues à Mars. C'est le pôle sud terrestre, l'Antarctique, les fonds sous-marins et quelques autres lieux. J'aimerais bien vous faire continuer, vous faire réagir à quelques images. Là, on va pas y couper quand même la page 7. C'est l'image d'une base martienne imaginée par la société SpaceX. Qu'est-ce que vous en pensez de cette image, Olivier Walter et François Spiro? Ils n'ont rien imaginé, ils ont dû sortir ça d'un jeu vidéo. Bon, déjà, si je mets des fusées juste à côté de ma base comme ça, je pense que je vais avoir un problème très rapidement. Oui, parce qu'il y a des fusées qui ont l'air vraiment tout près. Il y en a quatre sur la gauche, mais il y en a deux au milieu. Ouais, et après, on est dans SimCity. Hein. C'est une vision très américaine ouais, de la ville. SimCity, voilà, c'est ça. Pas très américaine. En même temps, c'est romain, hein, c'est Cardo Decumanus. Donc, mais voilà, une ville... C'est bien rangé, bien carré. On ne va pas développer une ville comme ça, c'est quand même dommage. Olivier Spiro, qu'est-ce que ça vous dit? C'est un jeu vidéo, ça? C'est pour... Ça fait rêver, mais il n'y a pas de sens derrière? Non, effectivement, c'est pas très sérieux. D'abord, quand on décolle, vous savez que la France est quand même à la pointe du spatial dans le domaine des lanceurs. La fusée Ariane, tout le monde a entendu parler de la fusée Ariane. C'est quand même en France qu'on l'a développée, qu'on l'a conçue, qu'on l'a développée. Maintenant, depuis pas mal d'années, elle est européanisée, mais elle reste avec un fort leadership français. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, tout simplement... En France, les lanceurs, les fusées, on sait faire. Et ce qu'on... Vous savez qu'on a la base de Kourou en Guyane. Et donc, ce qu'on sait en particulier, c'est que quand un lanceur s'élance, que ce soit depuis Kourou ou depuis le sol lunaire ou martien, bah, ça fait de la poussière, ça fait du feu partout, etc. Et Olivier a parfaitement raison. Il y a un risque d'explosion quand même. Hein. Risque d'explosion. On ne peut pas mettre des fusées comme ça à côté d'un village martien. Eh bien, donc, si, ça, monsieur. SpaceX l'a fait. Alors, SpaceX... disons, a fait, comme ça a été dit, une animation pour faire rêver les gens, pour que les gens adhèrent et in fine sortent leur porte-monnaie. Parce que là, on garde son lanceur à côté de chez soi, comme sa voiture, quoi. C'est ça l'idée, hein, en fait, sur cette image. Je disais tout à l'heure, le spatial, comme beaucoup d'autres domaines, évolue par rupture technologique. Donc on ne sait pas comment ça va être fait, quelles seront les ruptures de demain qui vont permettre ce genre de choses. Mais si on se base sur le passé et le présent, la bonne approche pour le transport depuis Mars, depuis une base humaine martienne vers la Terre ou vers ailleurs, c'est quoi? C'est des petits lanceurs, des petits lancements assez éloignés des bases qui ne vont pas directement vers la Terre ou vers la Lune ou vers je ne sais où, mais qui vont rejoindre... un ou des vaisseaux qui tournent autour de Mars, ils vont s'arrimer et de là, on va vers, par exemple, la Terre. C'est ce qui s'était fait avec Apollo, hein ? Exactement. D'accord. Je répète, ouais, mais... sous réserve de futures ruptures. Là, ce qui serait intéressant si on reste sur Mars et si on va sur Mars, c'est qu'on ait un vaisseau qui fasse un aller-retour constant dans un grand 8, ce qui permettrait d'avoir un truc régulier. On ne l'arrête pas, le vaisseau. S'il a la vitesse, on vient juste s'y accrocher à un moment ou à un autre. Après, il y a plein de systèmes... Il faut le ravitailler un petit peu. Non, une fois qu'il est lancé, voilà, vous n'avez pas grand-chose à pousser. Et dans notre groupe de réflexion sur le futur de l'homme, la Lune, Mars et plus loin, Jupiter, Saturne, on a imaginé, tu t'en souviens, le concept, ouvrez les guillemets, de métro spatial. Un peu, ça continue l'idée d'Olivier, c'est-à-dire une sorte de métro, comme vous avez ici, de Châtelet à Saint-Michel, etc. En permanence, vous avez des wagons, des vaisseaux, voilà, et puis si vous avez raté le premier vaisseau, vous attendez un quart d'heure, vous prenez le suivant. C'est caricatural, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, mais voilà, je le disais avant, les choses s'accélèrent. Alors page 6, voilà, ah pardon, ouais, on va continuer si tu veux bien, et après je viens à toi. Le Moon Village, page 6. Alors qu'est-ce que c'est là? Parce qu'à nouveau, on refait la caverne là, sur la Lune, Olivier Walter. Alors ça, c'est un workshop en fait, qui a eu lieu il y a 2 semaines à Strasbourg. Donc un atelier. Donc un atelier, oui, avec des étudiants, des ingénieurs et des architectes de l'école de l'architecture de Strasbourg, avec donc le responsable du réseau Arche, le CNES qui était présent aussi, et l'association Moon Village, Alors, l'association en France, ça s'appelait Planète Mars, et la Mars Society existe depuis très longtemps. On a aux États-Unis la Mars Society qui promeut le voyage humain vers Mars. Vers Mars et sur longtemps. Terre, cette association s'appelle Planète Mars, l'association Planète Mars. En France, ouais, c'est parce qu'on ne peut pas être dans le même système. Moon Village s'est créé il y a beaucoup moins longtemps, en fait. C'est plus sur l'impulsion de tout ce qui est en train de se passer, où tout à coup, il y a des gens qui se sont dit « on va faire la même chose ». Donc pour promouvoir un petit peu le Moon Village, on a organisé avec eux, on organise tous les ans depuis 2-3 ans des workshops, principalement à Strasbourg avec l'ISU. Des ateliers. Voilà, des ateliers, c'est l'habitude. Donc avec l'ISU qui est à Strasbourg. L'ISU, alors c'est... L'International Space University. University, donc qui est basée à Strasbourg et qui a des étudiants du monde entier qui viennent passer leur doctorat. Et donc on travaille là-dessus régulièrement. Là, c'est le projet qui a qu'est-ce gagné. Qu'est-ce que c'est là, par exemple ? On les a fait travailler sur la Lune principalement, sur des concepts de comment on pourrait vivre sur la Lune. Alors là, c'est quand même une cavité dans le voilà, sol. Voilà, c'est dans très longtemps. Ce qui a été un petit peu récompensé, c'est l'idée plus que la réalisation. Parce que après, ils ont qu'une semaine. Il faut être gentil avec eux. Donc sur la Lune, vous avez ce qu'on appelle, sur la Lune, sur Mars en fait, vous avez ce qu'on appelle des tubes de lave. Donc c'est de la lave liquide qui a coulé très vite, et quand elle est partie, on s'est retrouvé avec un tube donc, qui s'est rigidifié. Vous avez aussi des cavernes qui sont... les cavernes qu'on a pu détecter, c'est peut-être des tubes de lave, c'est peut-être des cavités naturelles. Après, comment ça s'est formé, ça je vous le dirai pas parce que j'en sais rien, surtout sur la Lune. Sur Mars, on a une idée un petit peu plus précise. A priori, l'activité tectonique sur la Lune, il n'y en a plus. Hein. Normalement, de ce qu'on a vu, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des petits tremblements de terre, des tremblements de Lune, mais c'est tout. Et donc, c'est un de ces fameux trous qu'on a repéré depuis la Terre. On vient l'investir finalement. Et comment on l'investit ? On l'investit par en haut. L'idée, c'est d'arriver à faire un bouchon au-dessus de cette caverne pour pouvoir petit à petit descendre dans le bouchon. En fait, on va installer les gens à l'intérieur de cette cavité. Pourquoi ? Parce que c'est la solution aussi... Enfin, pour se protéger des radiations d'une manière à peu près fiable. C'est-à-dire qu'on met de la masse au-dessus de nous, on n'a pas besoin de la déplacer. Alors, je n'ai pas compris que la cellule habitable qui est à gauche, en bas à gauche, rouge, c'est la même cellule habitable qu'on voit dans le dessin à droite, en hauteur, c'est ça ? Si, bah ça, c'est la première installation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir boucher le trou. Les cellules habitables, elles sont en haut de la caverne, petit à petit, en blanc. Quand on arrive à boucher le trou, en fait, on va accrocher les structures les unes au-dessus des autres. On va finir complètement de faire ce bouchon et ensuite on va faire le choix de descendre à l'intérieur de cette caverne pour petit à petit en prendre possession. Alors évidemment, ils ont collé une forêt au milieu de montagnes. C'est pas vraiment réaliste. Avant qu'on arrive à pressuriser un trou comme ça, ah oui. Il va falloir du temps. Ah, il va falloir, dis donc, c'est compliqué, là, c'est un énorme volume. Hein. Et il va falloir un bon bouchon aussi. Mais bon, c'est comme en plongée, on fera pas une pression atmosphérique de 1. On va être 0,6, 0,8 généralement. François Spiro. Oui, si je peux juste faire une demi-parenthèse, c'est une phrase d'Olivier qui me fait réagir, avec un petit cocorico à la clé. Tu parlais, Olivier, des tremblements de Mars. Cocorico, vous le savez probablement, depuis quelques semaines, à la surface de la planète Mars, nous avons une mission qui s'appelle InSight, avec son instrument principal, qui est un sismomètre français, conçu ici au CNES avec nos amis de l'Institut de physique du globe de Paris et qui est donc à la surface de Mars depuis quelques semaines et qui commence à étudier les tremblements de Mars. Voilà. Donc pour dire que ce soir nous parlons d'exploration des êtres humains, très bien. N'oublions pas que côté exploration robotique, on fait aussi de très jolies choses et depuis pas mal de temps. Merci. Donc on a parlé en fait de comment on allait se préparer là-bas, un peu plus longtemps ensuite, au bout de quelques années, comment ça se passerait, enfin dizaines d'années. Par contre, on n'a pas parlé au milieu, c'est-à-dire que comment ça se passerait pour qu'une civilisation sur la Lune ou Mars apparaisse. Donc il y a la procréation qui entre en jeu. Et est-ce qu'on a des études sur les humains en microgravité ? Non. Mais est-ce qu'on a au moins sur des rats ou autres ? Et si oui, comment c'est ? Comment ça se développe ? Est-ce que du coup, on a des idées de comment ça se développerait sur un être humain ? Donc voilà. Alors, je vais peut-être commencer. On a déjà fait, la France, la communauté spatiale internationale, on a déjà fait plusieurs expériences dans ce registre. D'abord, il semble que la conception, la création d'un fœtus, pour le dire clairement, ça marche aussi bien en apesanteur que sur Terre, et donc a fortiori sur la Lune et sur Mars aussi. Donc déjà, cet aspect-là, a priori, fonctionne. On l'a vu de différentes manières, on l'a étudié de différentes manières. Ensuite, l'évolution de l'être humain. Alors, il y a la grossesse, ça, effectivement, on ne le sait pas, ça n'a jamais eu lieu, ni en orbite, et encore moins, évidemment, sur la Lune et sur Mars. Donc c'est un gros point d'interrogation. Les infos et les études parcellaires que nous avons aujourd'hui indiquent qu'il y aurait moins de problèmes que ce qu'on pourrait craindre. Mais c'est toujours pareil, tant qu'on ne l'a pas fait, voilà, on ne peut pas être affirmatif. Ça, c'est un autre élément. Alors maintenant, plus globalement, effectivement, vous avez raison, à long terme, on l'a dit déjà tout à l'heure, l'idée, c'est de créer des grandes colonies à la surface de Mars ou d'ailleurs. Donc il y aura des enfants, donc il y aura la conception, la croissance, etc. Et on ne croit pas, au sens de croître, on ne croit pas de la même manière en 0G, en 1G, en gravité 0, gravité 1, gravité 1 tiers sur Mars, etc. Si on ne fait pas certaines activités sportives, si on se laisse aller, entre guillemets, eh bien, sur la Lune, sur Mars, on sera beaucoup plus grand. Je vais vous donner un exemple. Thomas Pesquet était 6 mois et demi dans l'ISS. Et pourtant, il a fait du sport tous les jours, 2-3 heures tous les jours. Eh bien, quand il est revenu sur Terre, je ne sais pas si vous le savez, il avait pris pratiquement 3 cm de taille. Alors, 3 cm, ce n'est pas une grande affaire. Mais c'est sur 6 mois et demi. Et c'est avec beaucoup de sport. Imaginez que vous restez des années et des années. Je rappelle que le voyage aller-retour Terre-Mars-Terre, avec les technologies actuelles, là aussi, il y aura peut-être des ruptures technologiques, on verra. Mais si on part sur les bases actuelles, c'est à la louche 2 ans et demi, 3 ans. Donc vous imaginez un voyage où vous êtes en apesanteur, a priori les voyages seraient en apesanteur, vers Mars. Vous restez quelques mois sur Mars, gravité 1/3, vous revenez, vous faites un minimum de sport, mais pas tant que ça. Vous augmentez de taille, vos organes se dilatent, votre corps change. Et ça, ça fait partie des challenges. C'est quelque chose qu'on regarde dans notre groupe. On a des architectes de grand talent, j'en ai un à côté de moi, mais on a aussi des médecins. On a aussi plusieurs médecins parce qu'on est bien conscient que la médecine, ça va être un sacré challenge. Si on est sérieux pour faire ce qu'on se disait au début, des bases où les gens seront heureux, ils seront épanouis, ben il faut que tout simplement, c'est tout con, on revient à la pyramide de Maslow, il faut qu'ils soient en bonne santé. Donc, il y avait une partie de la réponse qui a été donnée. Il y a eu des essais, désolé pour ceux qui sont pour la cause animale, mais il y a eu des essais sur des rats ou autres, sur un retour ensuite sur Terre. Oui, il y a eu quelques expériences. On n'est pas allé très très loin. C'est très fragmenté et on n'est pas encore en mesure d'être très affirmatif d'un côté ou de l'autre. Donc, ça fait partie des plans d'expérience que nous avons aussi à court-moyen terme. Est-ce qu'on peut regarder encore une dernière image avant de se quitter? Il y a pas mal de petites choses dont on n'a pas eu le temps de parler. J'ai compris que, par exemple, ce qui est page 9, donc c'est une base martienne imaginée par le Research Center de l'anglais, il manque un E, de la NASA, ça ne vous intéresse pas beaucoup? Olivier Valter, c'est pas la peine de commenter, on est d'accord ça? Non. On sait faire, pas d'imagination. Ça fait 30 ans qu'on fait la même chose. Ça fait 30 ans qu'on sait faire. Il y a des choses intéressantes, page 10 et page 11, c'est Menechet qui a dessiné ça. Bon, c'est intéressant de voir jusque dans quel détail on peut aller. Par exemple, page 11, on voit la manière dont on entre, vous voyez, en haut à gauche, comme on entre dans le scaphandre. Alors, effectivement, le scaphandre, il reste à l'extérieur et on se glisse à l'intérieur de cette manière-là. Ouais. C'était un travail qu'on avait effectué avec le Strat College Designer de 2004 à 2008-2009. On a travaillé avec le Strat College Designer sur le design spatial avec un monsieur qui s'appelait Francis Winisdorfer. À l'époque, il formait les astronautes européens comment il s'appelait, notre petite capsule qu'on a laissé tomber là. Est-ce que j'appelais la poubelle ? ATV, non, c'est pas... Non, le, notre truc européen. ATV. Non, c'était pas... Non, c'est les... C'était, non, c'était ATV, je crois, t'as raison. ATV, c'était un. C'est ça, ce qu'on véhicule, remplissait. Ouais. Ce qui est dommage. Enfin, je suis méchant quand j'appelle ça la poubelle. C'était un très beau truc qu'on a laissé tomber. C'est quand même dommage. Et donc, l'idée, quand on travaillait sur. Quand on travaillait sur, la, sur Mars, c'était de dire. Bah, on va, les premières missions, quand on les amène, est-ce qu'on a vraiment intérêt à rester au même endroit ? Est-ce que c'est pas plutôt intéressant de faire une base qui se déplace un peu partout, donc qui soit entièrement autonome ? Alors effectivement, on aura de toute manière toujours besoin d'une plus grande base, mais d'avoir cette base qui puisse rayonner un petit peu partout sur Mars, parce qu'il y a plein de choses à aller voir. Il y a vraiment plein de choses. Un exemple concret pour expliquer pourquoi on est, il faut bouger. Viking se pose à l'endroit le moins intéressant de Mars. Pourquoi ? Parce qu'il faut que Viking se pose. Donc on va poser un énorme machin avec 5 expériences dedans. Les années 70, hein. Ouais. Les sondes Viking américaines. Il y a une des expériences qu'on est obligé de remplacer au dernier moment parce qu'elle ne fonctionne pas. Et on va prendre un petit jeune qui a inventé un truc. On se dit, ouais, c'est pas mal son histoire. C'est censé tester pour voir s'il y a quelque chose qui peut respirer. Maintenant, tout le monde en parle tout le temps. C'est-à-dire que c'est la première expérience qu'on met en avant. C'est est-ce qu'on peut entrevoir une tentative de respiration de quelque chose. Donc Viking va, toutes ces grosses expériences, il n'y en a pas une qui va détecter de la vie, il n'y a que la sienne qui dit il se passe quelque chose. Tout le monde finit par dire ouais mais c'est une connerie, ça peut être une réaction chimique et tout. Le mec prend l'ensemble des expériences, les amène en Antarctique, fait des tests et quand il revient il dit bah voilà, avec vos expériences je vous annonce une chose, j'ai pas détecté de vie sur Terre, par contre mon expérience en détecte. Voilà, ce qui prouve que bon, vraiment il y a des choses à voir. Et quand on va se promener, on va voir plein de choses. On va évidemment pas aller se poser au fond de Valles Marineris, qui est certainement l'endroit le plus passionnant à visiter. Moi, en tant que géologue, je peux vous dire que si je dois aller quelque part, c'est soit Olympus Mons, soit Valles Marineris. J'irai plutôt au bas de Valles Marineris ou faire de l'escalade depuis le haut de Valles Marineris en descendant tout le long. J'aurai droit à toutes les couches géologiques, donc j'aurai forcément les fossiles. Alors revenons là, parce que... Et donc voilà, l'idée, excusez-moi, j'ai fait un petit détour. Donc l'idée, c'était de pouvoir se déplacer partout sur Mars avec un habitat finalement. Donc avec un bras mécanique qui pouvait faire un petit peu tout ce qu'on voulait. On avait repensé l'ergonomie de la cabine de pilotage. Évidemment, la cabine de pilotage... Ça, on le voit en bas à droite, ouais. Voilà, ça va peut-être un peu vous choquer parce qu'elle est entièrement vitrée. Mais des fois, on a envie de se faire plaisir. Voilà aussi, il faut y penser. Même s'il y a d'autres solutions. Quel est le problème avec le fait qu'elle soit vitrée ? Bah parce que c'est pas idéal ni au niveau des radiations ni au niveau de la pression. Ah oui, d'accord. Donc on va plutôt se retrouver dans un système de tank, de char d'assaut. Je sais pas pour ceux qui ont déjà essayé de piloter un de ces machins. Avec des caméras. Oui, avec des caméras à l'extérieur et surtout avec des toutes petites choses pour voir parce que ça on en a besoin. C'était intéressant vraiment ce travail de la part de cette personne parce que il y a plein de planches comme ça qui existent et puis elles sont très détaillées. Là on voit à gauche des tas de détails là sur. Oui, le joystick, comment on dirige un petit peu ça. Et puis, donc il y a la page là, 11 avec tout le système pour entrer et sortir des scaphandres. Bah, c'est un système russe en fait où il rentre par l'arrière des scaphandres. Et finalement quand on a des scaphandres qui tiennent énormément de place, la meilleure des solutions c'est de les laisser à l'extérieur. Alors évidemment on les protège après hein, parce qu'on ne va pas les laisser comme ça tout le temps à l'extérieur et au niveau des radiations solaires et tout ce genre de choses. Donc on va rabattre quelque chose par-dessus. Mais finalement ça permettait d'avoir des sas qui sont plus petits donc on a moins de problèmes. Parce que le sas reste quand même un point extrêmement sensible à gérer. Donc on se retrouve avec des sas plus petits. Et puis bah voilà, quoi, des sorties extravéhiculaires un petit peu plus sympathiques. Et ça donnait un petit peu un design. Donc l'idée, c'est vraiment le déplacement. Donc comme à chaque fois quand je dis dans l'architecture, l'idée, c'est le mouvement. C'est ce qui génère notre architecture. Qu'elle soit biologique ou simplement ce qu'on construit. Tout est géré avec le déplacement humain. Donc voilà, comment on sort à l'extérieur du rover. Donc on avait travaillé un peu là-dessus. Voilà, c'est tout. Et peut-être un petit mot de complément. Tu mentionnais Olympus Mons, Valles Marineris, etc. sur la planète Mars. Je rappelle ou j'informe que les paysages sont somptueux sur Mars. On a dit tout à l'heure, Valles Marineris, la plus grande montagne du système solaire. Olympus Mons, la plus grande montagne du système solaire. Valles Marineris, la vallée de Mariner. Le plus grand canyon, la plus grande profondeur de canyon du système solaire. Donc vous avez des paysages absolument sublimes avec des grandes pentes, avec voilà, des volcans, vous avez plein de choses. Et donc, une des activités à long terme dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est le tourisme tout simplement. on peut tout à fait envisager, au lieu d'aller une semaine skier dans les Alpes, eh bien, que vous allez une semaine skier sur Olympus Mons. Pas le même prix, hein. Aujourd'hui, ce n'est pas le même prix. D'accord. Mais c'est vrai qu'on voit loin. Et ce soir, on a vu loin. Alors, déjà, on va commencer à voir près. Le 26 mars, on se retrouve pour parler d'Insight et de CIS. Hein. Donc, on va parler de Mars et de ce qui est en train de s'y faire. Là, c'est vraiment un instrument français qui est actuellement sur la planète Mars et qui est en train de sonder les profondeurs. Hein. On a un sismomètre tout à fait extraordinaire. On a mis beaucoup de temps à le mettre au point. Il fonctionne parfaitement bien. Je connais le chercheur principal, Philippe Lognonnet, depuis le début de ma carrière, il y a presque 30 ans. Et déjà à l'époque, il y a une trentaine d'années, il avait l'idée de ce sismomètre. Enfin, il a pu le faire poser sur Mars. D'accord. Donc 26 mars, on se retrouve. Donc ça, c'est à courte vue, si je puis dire. Et puis si on regarde à longue vue, si on se projette dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans, grâce à vous, c'est ce qu'on a fait. Alors on voit des colonies de 100 000 habitants sur Mars qui deviennent indépendantes, des spatioports installés à 27 000 km d'altitude sur Olympus Mons. On va peut-être terraformer Mars. On va avoir une sorte de métro spatial entre Mars et la Terre. Vous voyez que vraiment... On a vu loin, c'est vrai que ça s'accélère, mais alors à ce point-là, là, c'est vrai qu'on va, vraiment, on est allé très très très vite avec vous. Mais ce qu'on a senti, c'est vraiment une envie d'espace, un enthousiasme. On a l'impression que l'imagination avec vous est au pouvoir. On a senti une grande liberté dans la manière dont vous avez traité les sujets de ce soir. Et ça, c'est très très très rafraîchissant. Merci infiniment, François Spiro et Olivier Walter. Nous terraformerons le système solaire, nous bouclerons des ceintures d'astéroïdes, nous érigerons des temples sur Jupiter, nous naviguerons dans des navettes ovoïdes. Mais nous, ce sera nos enfants, ou leurs petits-enfants, nous, ce ne sera pas nous. Nous gravirons la pyramide de Maslow, nous descendrons à ski des montagnes immenses, sur des satellites lointains nous danserons des slows, nous serons les pionniers d'une quête qui commence. Mais nous, ce sera nos enfants, ou leurs petits-enfants, nous, ce ne sera pas nous. Nous inventerons une économie martienne, nous donnerons l'indépendance à des états spatiaux, nous exporterons de riches écosystèmes, nous architecterons d'impossibles vaisseaux. Mais nous, ce ne sera pas nous, ce sera nos enfants, ou leurs petits-enfants. Nous, ce ne sera pas nous. Merci. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.